Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 15 de l'Horreur Gamer Show. Épisode spécial ce soir, premièrement spécial parce que ben toute la famille est là, c'est assez extrême. On est 5 aujourd'hui, je vais faire un petit tour de table vite pour dire salut à tout le monde, mais on s'éternisera pas parce qu'on en a pour la veillée. Le boss, Sébastien Bouchard, t'es avec nous autres ce soir? Hey, salut la gang. Au calvaire depuis ton de boss. Ouais, c'est ça, regarde là, c'est parce que, tu sais, il y en a plusieurs, fait que là, faut que j'aie l'air encore plus autoritaire qu'à l'habitude. Et si bol, une chance que c'est un podcast audio et non pas vidéo, parce que l'autorité prendrait le bord. on a René aussi qui est là avec nous autres. Salut René, comment est-ce qu'il va? Il va bien. Quoi de neuf par chez vous? Pas grand-chose, j'ai eu la chance d'essayer le nouveau Walking Dead Survival Instinct. Ah, vite, là, mettons, je te dirais, t'as 30 secondes de me le vendre, tu dirais quoi? On va le louer. Sérieux, c'est... Ouais, ben, je viens de comprendre. J'ai l'impression que je vois un genre de cabala avec des zombies, c'est là l'affaire de chasse. Je viens de comprendre pourquoi est-ce que t'es pas vendeur, mon gars, sérieusement. Sérieux, c'est... J'ai de la misère à te le vendre, c'est vraiment pas pire, mais pas vargeux. OK. continuons mon tour de table. Kevin, comment est avec nous ce soir, de retour? Salut. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien? Tu voulais qu'on fasse ça bref? Ouais, ben c'est parfait. J'aime ça de même, mais tu peux quand même me dire, je sais pas moi ce qu'il y a de neuf par chez vous. Je sais pas moi. Un peu déçu d'avoir manqué le dernier show, là. Ben oui, qu'est-ce que tu faisais? T'es en forme? Écoute, j'ai complètement oublié qu'on était rendu, qu'on faisait ça à tous les deux semaines sans le manquer. Fait que la bonne vieille habitude que, tu sais, on va reporter ça à l'autre semaine. Mais non, finalement, c'est rendu vraiment aux deux semaines. Fait que eh oui. À ce temps, je vais être là tout le temps. Je peux dire que, par exemple, il y a des grosses chances que dans le prochain show soit dans trois semaines. Pour des raisons obscures qu'on vous expliquera. Continue mon tour de table, Steph. Ben ouais. Steph, il est là. Encore une fois, chez eux, pas dans le studio chez nous, c'est un peu étrange. Ben ouais, mais il peut se prendre plus de bière dans ce temps-là. Ben, pourquoi? Parce que c'est toi qui la paye quand tu viens chez nous? Non, c'est parce que c'est moi qui ramène le char pour m'en revenir chez nous. Bon point. Hey, deuxième point, pourquoi que je disais que c'est une émission spéciale aujourd'hui, c'est parce qu'on va vous parler d'un film assez particulier. C'est The ABCs of Death. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en réalité, The ABCs of Death, c'est 26 short movies, des petites histoires courtes entre, disons, 2 et 5 minutes du film, faites par 26 réalisateurs différents, rassemblés dans une anthologie. Et puis, le seul point en commun que les films ont, ou qui sont supposés avoir, disons, c'est la mort. Donc, on suppose de l'horreur aussi, par effet. C'est pour ça que je colle une émission spéciale, parce qu'on va pas faire un tour de nouvelles, un tour de trop d'affaires. On va essayer de passer vite, parce qu'on a quand même beaucoup de matériel à jaser. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va faire chacun notre top 3, chacun notre bottom 3, et quelques mentions spéciales de ce qu'on a retenu de The ABCs of Death. Parce que, disons-le, chers amis, c'était assez particulier. Le sort en a décidé que c'est l'ami Sébastien, donc le boss, qui va ouvrir le bal et nous parler de son top 3 des ABCs of Death. En général, Sébastien, avant de nous parler de ton top 3, ton overall sur le film, c'est ton appréciation, c'était quoi? Oh. Tout ça? Wow! C'est étrange, ça. Sacrement. Seb? Chef? Qu'est-ce qui se passe avec le boss, là? Oups! Excuse-moi, je m'étais mis sur mute. Et il a pas payé son compte internet. Ah, c'était bon ça, je sais même pas que je vais le monter, c'est trop fort. Moi je parle depuis tantôt, puis ouais, let's go, j'étais parti. Mais c'est comme ça qu'on t'aime, quand tu parles qu'on t'entend pas, c'est là que t'es le meilleur. Jamais. Hey, ça commence bien un bon show. C'est moi qui est là pour la qualité en plus. Non, overall. C'est fin pour les autres, ça. Overall, c'est dur parce que c'est comme une montagne russe, ce film-là. Il y a vraiment des segments où ce que tu te dis, hey, là, ça fait trois films que je m'emmerde. C'est vraiment de la merde. Et là, tout d'un coup, t'as trois films géniaux l'un après l'autre. Tu te dis, oh yes, c'est vraiment génial. Puis c'est le genre de film que quand tu termines, tu te dis, ah, il faut que je le réécoute right now. Parce que là, quand ça fait 26 courts-métrages de films que t'écoutes, t'as oublié les premiers, là. Ah, c'est clair. Mais ouais. Fait qu'en général, c'est comme c'est une bonne appréciation, mais c'est genre une appréciation, ce que je me dis, c'est pas la dernière fois que j'écoute ce film-là. Excellent. Vas-y donc avec ton top 3 des films que t'as vus. Dans ce... Alors, je commence avec la lettre H. H. Hydroelectric Diffusion, réalisé par Thomas Malling. Que même sur son wiki, il n'y a même pas de lien pour ce gars-là, donc je ne pourrais pas trop vous parler qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est un film, pas d'animation, mais avec des genres de marionnettes, où est-ce que c'est un genre de soldat chien qui se retrouve dans un club de striptease. Et la danseuse, c'est une genre de renard loup, je sais pas trop, nazi. Et écoute, moi, ça m'a fait capoter ce film-là parce que c'est de l'image cartoon à la, tu sais, genre Looney Tunes, là. À un moment donné, il y a le chien, ses yeux lui sortent de la tête quand il se met à voir la danseuse danser, mais c'est pas striptease, c'est pas dessin animé, tu sais, c'est vraiment les yeux sortent de la tête du gars en costume ou de la marionnette, appelez ça comme vous voulez. Puis elle se met après ça à utiliser ces yeux-là, puis elle fait des nœuds dedans. C'est de l'humour qui m'a vraiment fait triper. C'est genre de film dans le lot que tu l'écoutes puis tu te dis, c'est le seul comme ça, là, tu sais. Il n'y a rien d'autre qui y ressemble. Ah, définitivement. Oui. Puis, tu sais, l'histoire n'est pas plus originale qu'il faut. C'était vraiment dans l'esthétique, tu sais. Le film s'assumait comme un genre de steampunk en même temps. Ça me faisait penser à Captain Sky and... Les planètes... The World of Tomorrow. Ouais. Genre d'esthétique de même, là. Mais encore plus épuré, il n'y avait comme pas de décor. Tu sentais vraiment le studio avec des éclairages bien spécifiques sur ce qu'il voulait montrer. Sérieusement, là, moi, ça a été un film qui m'a marqué tout de suite quand il a commencé. Dès la cinquième seconde, j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? » Jusqu'à la dernière seconde, j'ai trippé. C'était vraiment amusant. C'est vrai que c'est particulier, c'est le genre d'affaire que j'ai fait le saut de voir ça arriver là, parce que il est très très différent de tout ce qu'on a vu avant puis de tout ce qu'on va voir après. Puis il se démarque à 2000 à l'heure. Ben ça, c'est sûr qu'on parle que nos personnages sont quand même des animaux, là. Puis c'est ça, c'est cartoonesque au coton. L'humour 50s un peu, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé ça moi aussi. C'était très très très particulier. Puis comme tu dis qu'on sent le studio, parce que le film est sur fond noir tout le long, hein. Ouais. On a rien, on a nos deux personnages, un petit set tout petit, puis c'est tout. Ouais. C'est très minimaliste, mais efficace. Exact. Je sais pas si les autres, c'est un film qui les a marqués ou peu importe. Ouais, moi aussi, je l'avais comme retenu un peu, mais pas dans le plus, là, mais disons que j'avais bien aimé l'esthétique, puis comme tu dis, les personnages, tout le kit, là, comme c'était un film quand même, on voit qu'il y avait eu une grosse, comment dire, attention au niveau de l'ensemble. Il y avait pas un message à passer, mais disons que je trouvais qu'il avait sa place. Il était vraiment intéressant. Tu sentais que ça n'avait pas été fait sur le coin d'une table. Là. Tu sais, ça pouvait non, c'est pas ça. Avoir été fait sur le coin d'une table, ce film-là. Ouais, contrairement à beaucoup. Parce que ça, se faire sur le coin d'une table, mettons qu'on dans 26 courts-métrages, on en a vu plusieurs qui avaient l'air de ça, là, disons-le. C'est ça. Sur l'autre, en est très mauvais. Il était pas mauvais, mais... Ça. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, à Télé-Québec, là, il y a des petits bonhommes de même. Ils sont habillés en... Cornemuse. Ben, moi, ça m'a fait penser au clip de Daft Punk, là. Tu sais, t'en as un, ouais, c'est un chien qui promène. Ah ouais, le chien. Le chien, il ressemblait. Ouais, le clip de Daft Punk. Ouais, il ressemblait à ça. Tout à fait. Pas dans la réalisation, mais juste le personnage en tant que tel. C'est vrai qu'il ressemble. Exact. Bon, ben, next, Sébastien. Next, OK. K for Klotz. Réalisateur Anders Morgan Taylor. Un autre qui n'a même pas de lien sur Wikipédia. Film d'animation hyper kitsch dans son esthétique, où ça raconte l'histoire d'une femme qui s'en va à la toilette. Ouais, excuse-moi de te couper, Sébastien, mais la toilette est très, très, très récurrente dans les 26 courts-métrages. On dirait qu'il y a tout le temps une toilette à un moment donné. Il y a souvent une toilette. Là. D'après moi, il y en a 4 ou 5 là, qui mettent en scène une toilette. Ouais, facile. Ouais. Puis, donc, elle s'en va à la toilette et après avoir fait un numéro 2, essaye de le flusher et il ne veut pas flusher. Mais il ne veut vraiment pas flusher. Sa crotte sort littéralement des toilettes et elle va tout essayer de faire pour essayer de la faire flusher parce que elle semble être dans un party où il y a du monde qui veut l'utiliser à la toilette puis elle est comme un peu gênée de d'avoir mis une crotte à terre à côté de la toilette. C'est de l'absurdité, là, mais à fond, là. Moi, le son de la crotte qui se promène, là, c'est un genre de quick-quick, un genre de quick-quick de fromage, en grain, là. Ah. La crotte a quasiment une identité, tu sais. Ben oui, ça voit. Puis, l'esthétique de la femme, toute l'esthétique, des couleurs tellement belles, pastelles, là, tu sais. C'est défini avec des gros contours noirs. Puis moi, c'est drôle, quand j'ai commencé à écouter ce film-là, j'ai comme placé en plein milieu. Tu sais, j'ai comme dit, tu sais, je veux juste checker vite de quoi ça a l'air. Puis je suis tombé sur lui en premier. Puis j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ABC of Death, tu sais. Puis là, écoute, faut pas gâcher le punch sur qu'est-ce qui se passe comme mort là-dedans, là. Mais, en plus, c'est ça, la mort, tu te dis, man, c'est horrible, là, ça n'a pas de sens. C'est quoi cette connerie-là? Moi, là, ça m'a diverti. J'avais le sourire accroché dans la face. Là. C'était pas de l'horreur, c'était pas de la violence, mais c'était tellement drôle et con que c'était premier degré à souhait, mais dans l'esthétique était tellement cool que je vais me rappeler de ce film-là toute ma vie. Tu sais, en début de show, je te disais qu'il y avait certains cours que je dis des cours. Franciser le short, là. Mais je te disais qu'il y avait certains courts-métrages que j'étais pratiquement gêné d'avoir aimé puis d'avoir ri. Ben, celui-là, c'en est un, là. C'est vraiment, tu sais, c'est tellement absurde, c'est tellement ridicule. Disons-le, c'est l'humour pipi caca à fond le caisson. Mais c'est, ri, mais j'ai tellement ri, là. J'en suis encore gêné, mais oui, ça m'a marqué puis je l'ai trouvé bon. Mais ben, il est tellement beau que, encore une fois, tu sais, même si l'idée, c'est vraiment, ça, c'est une idée de coin de table, là. Mais, visuellement, le film est tellement écœurant que ils ont pris une idée de point de table puis ils ont mis des efforts dedans. Tu sais, oui, ça m'a fait triper à fond. Kevin, je pense que ça va être. Mais l'effort. Ouais, ben dans le fond, moi c'est ça. C'était pas un film qui m'avait accroché, mais après avoir écouté Sébastien, c'est comme il l'a bien vendu, mais tu sais, je trouve que l'idée est pas assez développée. Justement, le scénario est peut-être un peu botché, mais c'est vrai que l'animation est intéressante là. Mais... Je pense que le but, c'était vraiment d'être premier degré, tu sais. Ouais. Une fille qui est capable de flusher sa crotte, puis sa crotte qui essaie de sortir de la toilette. Tu sais, si tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on rajoute après ça? On vient d'aller déjà trop loin, tu sais. Mais tu sais, ça a-tu sa place dans un film d'horreur? C'est peut-être discutable, ça, je te comprends. Tu sais, je veux dire, j'aurais vu cette animation-là ailleurs dans un... Tu sais, sur Internet, n'importe où, un court-métrage comme ça, c'est vrai que il est bon, mais dans un film avec ABCs of Dead, tu sais, où ce que t'en as d'autres, pas mal plus hardcore, je sais pas. Je sais pas si ça avait sa place. Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis là, puis je pense que c'est peut-être le lot de... C'est peut-être pas le seul qu'on pourrait questionner. Non, c'est vrai. T'as pas tort sur le fait que peut-être qu'il n'y a pas sa place là. Mais pour mettre un point là-dessus, est-ce que vous saviez comment que les films ont été choisis? Parce que c'est assez étrange comment que la sélection des ABCs of Death ont été faite. Il y a beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui viennent carrément de nulle part, qui ils ont entendu parler du projet, le projet a été promu. Puis, il y a des gens qui se sont fait... c'est sûr qu'il y a des réalisateurs principaux qui se sont fait offrir des lettres et des idées, whatever. Mais il y a beaucoup nobody... Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de nobody qui ont juste fait un film avec une lettre. Puis, on va envoyer ça. Puis, peut-être qu'on va faire la sélection. Puis, c'est peut-être ce qui est arrivé avec ça. Tu sais, je veux dire, il y avait des grosses têtes en haut qui, peut-être que ça, c'était le meilleur cas qu'ils ont eu. Là. Ouais, peut-être. T'as raison là-dessus. En parlant justement du cas Klotz, ça veut dire quoi? Est-ce quelqu'un qui le sait? Oui, je l'ai vu sur IMDb. Je pense que c'est une traduction de Shitman, quelque chose dans le même. C'est aussi en allemand, quelque chose de même. Exactement, je pense que c'est ça, c'est Shitman en allemand. J'ai vu ça sur IMDb en lisant tantôt, j'ai fait comme ça a été cherché loin. en anglais, c'est un slang qui veut dire une personne maladroite, stupide. Ben vois-tu, c'est peut-être ça un double sens. Un peu. Ben, c'est ça, ouais. C'est peut-être... Ouais, quand même... Ah, tu sais, pour pas être capable de flusher sa crotte, faut être maladroit, hein, tu sais. Tu sais, t'as le maladroit pis être maladroit, là. Ouais, tu sais, il y a des mauvaises journées, des fois. Ouais, c'est ça. Ça a pas bien été à job, pas été capable de flusher mon caca. Hey, next, Sébastien, ton prochain. Et le dernier, X4XXL. Réalisé par Xavier Gans. Oui, Xavier monsieur, Gans, qu'on aime donc. Qu'on adore pour, entre autres, The Divide. Et je sais que toi, t'as adoré, Pierre, t'as adoré Frontiers. J'ai adoré, j'en rêve encore. Et, ben, en tout cas, il a réalisé Hitman, mais ça, on repassera. XXL, genre de film qu'il commence, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. T'as peut-être l'impression que ça va être un genre de film de vengeance. C'est une femme, quand même, on comprend rapidement qu'ils veulent nous la présenter comme une grosse femme, tu sais. Puis c'est vrai qu'elle est grosse. Puis elle se fait vraiment écœurer gratuitement par tout le monde sur son chemin, mais tu sais. C'est gratuit, là, méchant. Puis bon, quand elle arrive à la maison, elle décide de s'empiffrer dans le frigidaire et par culpabilité, va prendre les grands moyens pour maigrir. J'en dis pas plus que ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le moyen qu'elle prend pour maigrir, c'est gore en tabarnak. Ouais, c'est ça, du Xavier Gans à 200%. C'est du Xavier Gans, là, à 100%, exactement. Dans sa réalisation, dans son interprétation, c'est un film français, d'ailleurs, puis écoute, le monde qui passe à côté d'elle, ils sont tellement méchants, mais t'as le goût de les en calisser un dans sa gueule, là, tu sais. Non, mais c'est des Français. Ouais, fais attention à ce que tu dis, Kevin. Ouais, c'est ça, fais attention, Kevin. C'est officiel. On a des auditeurs français qu'on salue. Puis, mais c'est ça, côté esthétique, côté gore, ce film-là fonctionne. J'ai grincé des dents une couple de fois en l'écoutant. C'était. Puis, tu sais, justement, comme je dis, tu sais, on pense que ça s'en va vers une vengeance ou ce qu'elle va aller péter à gueule ou tuer du monde qui l'ont fait chier. Mais mettons que c'est plutôt elle qui paye de façon assez extrême. J'ai vraiment trouvé ça superbe aussi, les espèces de sub... On peut quasiment qualifier ça d'image subliminale, de message, de... Comment je dirais? Les pubs de minceur. C'est ça, les pubs de beauté, de shampoing, de ci, puis de ça, qui passent au travers de elle, qui se regarde dans le miroir, qui se trouve grosse pilette, puis qui se fait maigrir, disons-le. Ah. J'ai trouvé ça génial. La réalisation de celle-là, sérieusement, c'était de toute beauté. On sait où ce que ça s'en va en l'écoutant, mais on sait pas à quel point. C'est quand on voit la scène finale de tout ça que tu comprends là, l'ampleur de la chose, puis que tu fais comme « Ah, oh, tabarnak, c'est éveillé quelque chose d'horreur. » J'ai adoré celle-là, c'était vraiment bon. C'est premier degré, parce qu'on l'a dans le sens que dès que tout le monde peut avoir cette idée-là, mais tu sais, il l'a poussé à fond et à fond. T'sais, il pouvait pas aller plus loin que ça avec cette idée-là. Non, et c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est un peu prévisible, parce que c'est une histoire qui nous a déjà été racontée, mais qu'en même temps, ouais. Tu sais, je veux dire, elle est toute là, puis c'est quand même une réalité, là. Puis comme tu dis, j'avais le goût des fessées, parce qu'ils sont méchants en tabarnak. Tu sais, je veux dire, et on en parle du bullying, là. C'est pas mal un sujet de l'heure, disons. Puis ça, écoute, c'est un exemple qui est trop... trop réaliste, si on veut. Mm-hmm. Puis, c'est ça, l'impact que ça a. C'est sûr qu'écoute, c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême, mais c'est ça qu'on veut. On veut de l'horreur, là. Puis, on a ce qu'on voulait. Ouais. Merci, Sébastien. Hey, ça fait plaisir. On va, le tirage au sort a choisi René comme étant ton successeur, René. Ouais. Tes films, ton top 3. Ok, on fait le top 3 des plus. Ça fait longtemps qu'on a commencé, ouais. Il est temps que tu comprennes. Ouais, non, ben. Je pensais que Seb allait nous dire c'est flop tout de suite, j'étais comme. Non, on va faire une tournée de flop après. Ah, bon, pas de trouble. J'en avais choisi 4 parce qu'il y avait le X. X qui revenait, c'est sûr, comme Seb a dit, hein, c'était vraiment un des très bons. Sinon, mes trois choix, j'ai bien aimé le premier, l'Apocalypse de Nacho Vigalondo. C'est le nom. J'ai pas fait mes devoirs autant que Seb, ses producteurs, pour pouvoir dire leur backstory, si on veut. Mais bien aimé le premier. Ça commence assez simple. Un gars dans un lit en train de manger, puis on entend comme du bruit, puis il passe de quoi. Puis à un moment donné, t'as sa femme qui arrive. En tout cas, on présume que c'est sa femme avec un couteau, puis qu'elle te le magane un peu. Plus va l'histoire, je suis comme, tu sais, c'est comme, je me suis dit, ça commence pour, c'est pas le meilleur, mais ça m'a quand même marqué dans son originalité, puis pour, comment dire, avec le sujet, si on veut, le titre et le rapport avec le film, celui-là, je dois dire qu'il m'a quand même été un des bons. Ensuite de ça, c'est, j'ai bien aimé le... Avant que tu passes à un prochain, le premier, moi, on dirait qu'il m'a mis un gros what the fuck, parce que... Tu sais, j'étais pas encore dans le mood du film. La première fois que t'écoutes ça, je veux dire, tu sais que ça va être 26 shorts, mais on dirait qu'il faut que tu sois quand même embarqué dans le mood pour pas trop te poser de questions. Parce que des anthologies, on en a vu plusieurs, pis on sait pas si c'est une histoire qui va englober tout, on sait pas comment ça va marcher. Ça m'a mis un gros what the fuck, moi, c'est de la façon qu'il a commencé. Puis on s'entend que l'interaction qu'il y a entre les deux personnages principaux de cette histoire-là, c'est un gros point d'interrogation. Tu comprends que dalle jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à temps même que tu comprennes le titre du film, que tu fais comme... OK, c'est là qu'on s'en va. Ça a été un choc, disons. C'est ça que j'ai aimé, le côté que t'es comme dans l'interrogation tout le long, puis qu'à la fin, même avec le titre, t'es comme... OK, ouais, ça en va là, mais c'est quand même... s'entend que le titre, avec l'histoire, comme un mini lien, là, c'est comme... Oh, oui, mais je trouve plutôt que c'est une cause à effet plutôt qu'un titre, si on veut. Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est une super bonne idée, mais c'est au niveau de l'exécution qu'il y a peut-être une petite lacune, là. Mais ça, c'est mon opinion. Moi, j'avoue. Mais je trouvais que ça commençait quand même bien. Sébastien, de quoi rajouter? Non, ben c'est ça. Non, c'est exactement ce que tu dis. L'idée était originale, elle était le fun. Dans l'exécution, il y avait peut-être quelques faiblesses, mais quand le punch arrive, tu fais comme « Ah, oh, OK, non, c'était cool, tu sais. » Mais tu te dis, j'espère que les prochains vont avoir quand même une petite coche de plus, mais ça déçoit pas quand ça commence. Non, c'est ça, ça commence quand même. C'est quand même ta petite dose de gore quand même à travers. C'est ça, c'est sûr que même là, ça n'a pas l'air de ce qui est le mieux fait. Là. On dirait que c'est des effets spéciaux de fond de salon. Là, mais... Ouais, mais on s'entend qu'ils font des films de 3 ou 4 non, minutes. Il n'y a personne qui va mettre un gros budget dans ça. Il y en a qui ça paraît mieux que d'autres, mais je veux dire, il n'y a aucun film de 4 millions et plus là-dedans. Là, c'est... Non. Ça, c'est clair. Ensuite, j'ai retenu pour son côté un peu... comment dire, ça me rappelait les... J'arrive, le nom m'échappe. Pas les Master of Horror, mais c'était le même genre d'émission qui jouait... Fear Itself? Je vais y aller avec le titre. Ça va peut-être vous inspirer le titre que je voulais dire. Là. C'est Cycle, de Ernesto Diaz Espinoza. L'histoire du gars qui est comme dans sa cour, il voit une tache de sang, puis... Il s'approche, puis à un moment donné, il fait comme rentrer, aller voir le quoi des buissons, il se réveille. Hey, c'était fucked up, ça. Ah, c'est le sens. Ouais, c'était fucked up, mais ça me rappelait les genres de Master of Horror, mais l'autre avant, Hitchcock, si on veut, là, les... Oh. Ah ouais, le genre de... Wow, je comprends ce que tu veux dire un peu, là, les mini-films à TV. Non, tu parles de... Les films ont peur. Non, t'as peu... Are you afraid of the dark? Non, même pas. C'est vraiment un genre de Hitchcock. Je sais pas si... Il y a eu comme les Hitchcock qui étaient un peu plus... Outer Limit. C'est ça. Outer Limit. Exactement ça, ouais. Ça me faisait penser un peu à ça. Ouais, c'était assez fucked up, ce film-là. Sauf que c'est un film que je me suis demandé, puis je l'ai écouté, c'est ça, j'ai écouté plus qu'une fois, puis je me demande encore si je l'ai aimé. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'était un gros what the fuck. L'idée est intéressante. Je pense que c'est mon côté. C'est pas assez développé. Ouais. Possible. Exact. C'est une genre d'idée que tu aurais voulu en avoir un petit peu plus longtemps parce que court comme ça, tu fais comme déjà funny, tu sais. Ouais, puis en même temps, on a vu d'autres films qui, dans le même court laps de temps, un petit 4 minutes, puis j'en ai vraiment un en tête, qui ont une histoire profonde, puis vraiment deep, là, super bien développée, qu'on comprend tout, puis on comprend tout sur plusieurs années ce qui s'est passé dans le petit 4 minutes. Fait que, tu sais, on dirait que c'est pas une excuse pour moi, là, le manque de temps, là. Non, c'est ça, j'excuse pas le temps. Comme je te dis, je pense que c'est juste le petit côté nostalgique qui est venu me ressonner, les Outer Limits, parce qu'ils ont... on venait de l'école, j'étais tout le temps jamais devant ça, puis je les écoutais quasiment tout à pelleter. Hein. Ça a été mais comme plus non, un petit coup. Ouais, vas-y. Non, c'est ça, j'allais dire, c'est vrai que ça fait penser à ça. Mais moi, ça m'a fait penser au film, pour ceux qui l'ont vu, Triangle. Ou Time Crimes. Pas vu. vous écouterez ces films-là, Triangle, Time Crimes, c'est Cycle qui est beaucoup plus exploité. Okay. Ben, d'ailleurs, sur funjouerjeu.ca, il y avait l'ami Dominique Paulus qui avait fait un billet sur des suggestions de films sur ce sujet-là. Le, on peut le dire, le voyage dans le temps, ou en tout cas, ces trucs-là. De, en tout cas. Wow. Puis, ouais, je viens de me rappeler du billet, d'ailleurs. Mais c'était des voyages dans le temps ou des clones? Oh, là. Ouais, là, rendu là, c'est... non, non, c'est pas... T'avais trop de virgules là, dans l'histoire, là. Ah, René, ton next. Il y a aussi le ouais, à date, ouais. Il y a le Remove, que j'ai bien aimé quand même, de Surgeon Spask Jovic. En tout cas. Bien dit. On va dire que ça se dit de même. c'est ça, celui-là, je pense, le petit côté, comme l'histoire qu'elle raconte. C'est sûr que tu fais what the fuck, un gars qui se fait arracher à la peau pour faire des films, là. C'est. Dans le fond, il n'y a pas de spoiler là-dedans, mais. C'est vraiment le petit côté, je sais pas, le petit côté en filmé comme un peu 35 mm, un petit côté vraiment intéressant. La, comment dire, comme on dit, autant que Cycle a manqué de travaux et Apocalypse, autant que celui-là, on dirait qu'ils en ont mis beaucoup pour le peu de temps qu'il y avait. Le petit avait, côté 35 mm, ouais. C'est ça, ça reste un peu, comment dire, qu'est-ce que c'est ça, là, mais je quand même ça, le petit côté gore, le gars qui est un patient d'hôpital, qui se fait enlever des morceaux de peau, qui font tremper ça dans le. Le stock pour faire la diapositive, si on veut, puis après ça, mais ça devient un film. Ben, je sais pas moi, ce que le gars avait pris, mais. Ben, moi, honnêtement, je vais attendre mon tour pour commenter sur cela, parce qu'il fait partie de mon lot, moi aussi, puis vu que c'est moi le next, je dirais rien. je vais me permettre de dire, en oubliant le Cycle par accident, que j'ai nommé par accident, j'ai bien aimé le Dogfight pour oui, le côté. Ben, pour tout son ensemble, dans le fond, celui-là, là, c'est vraiment, ça commence assez direct avec un combat, ben, le gars qui a ses gants de boxe, il arrive dans une arène, puis on comprend assez vite qu'il va se battre contre un chien. Celui-là, ça, disons que, je pense que je l'ai préféré à Cycle, mais il fallait que je parle de Cycle dans mes plus. Fait que là, t'es en train de nous mêler en tabarnak. Moi, je l'en ai dans mes 4, juste pour te foutre. Ouais, ouais, c'est bon, ça. Bon, c'est pas Cycle, il compte pas, là. C'était juste un côté. Mais oui, mais pourquoi t'en as parlé de bord? Honnêtement, tu veux le savoir, c'est parce que j'ai un non, c'est correct, qui était écrit là. Oh. Bon, ben regarde, c'est moi le next. Je vais faire mon overall. Ben, je vais commencer par la lettre Q. Pourquoi? Oh, mais. Quoi? Non? Quoi? J'ai trouvé que c'était. Comment dire? L'autodérision à son meilleur. L'histoire de deux réalisateurs qui ont 5000$ pour faire 4 minutes de film pour une anthologie d'horreur qui s'appelle ABCs of Death. C'est tout sauf original. Mais bon, écoute, les gars, ils ont pas d'idée. Ils décident de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut qu'on soit extrême. Faudrait qu'on soit le seul film du lot à avoir une vraie mort dans notre film. Les gars décident donc de tuer quelqu'un. Mais tuer quelqu'un, c'est beaucoup trop hardcore. Fait qu'on va tuer un animal. Tout le monde, comme qu'ils disent, personne n'en a rien à battre des animaux. Et puis là, on voit un petit canard dans une cage. Tout innocent. Avec les deux réalisateurs qui se regardent avec des guns. Puis qui disent, bon, let's go. On filme ça, on tue le canard, puis on a notre film. Et puis, bon, ça finit d'une drôle de façon. Il y a un autre gros moment, what the fuck, et j'ai trouvé ça tellement hilarant. Je sais pas, c'est, comme j'ai dit, c'est de l'autodérision à son meilleur. Les gars, ils sont complètement innocents, tout à fait ridicules. Le preneur de son dans l'histoire, c'est probablement le plus gros point d'interrogation que j'ai vu de tout ce maudit film-là. C'est tellement pas rapport, j'étais crampé, mais tu sais, je l'ai fait revenir deux fois, là, je l'ai réécouté, j'ai dit, voyons donc qu'ils ont eu cette idée-là. J'ai trouvé ça superbe. Ouais. Commentaire? Moi, je trouve qu'ils ont bien exploité leur lettre, tu t'attends vraiment pas à... Moi, j'ai cru entendre un « Ah, oh, tabarnak ». C'était-tu toi, ouais. Seb, qui était... Oui, c'est moi. Vas-y. C'était plus justement parce que c'est tellement ridicule. J'ai trouvé ça génial, sérieusement. Les gars, ils se sont pas cassés la tête. Il y avait probablement aucune fucking idée de quoi faire. Puis c'est ça qu'ils ont filmé. Le fait qu'il y avait pas d'idée. J'ai trouvé ça superbe. Sérieusement, là, c'est comme... C'était, ben, premièrement, c'est sûr qu'on parle de la lettre Q. On est rendu assez loin dans l'alphabet. Mais celle-là, il était comme une touche de rafraîchissement assez sévère, là, de Ça a fait ouais. Comme bon, on vient de passer à autre chose. Ça a comme mis une grosse séparation avec les autres films dans l'eau, puis j'ai trouvé ça écœurant. J'ai adoré. Ouais, parce que lui, quand il est arrivé, là, moi, là, je commençais à avoir un petit down. Là. Ouais, oh, ben oui. Oh, oh, oh. Surtout que ça en faisait deux. deux qui étaient lourds, là. Puis là, lui, ouais. Il faisait comme, ah, oh, yes, enfin, tu sais. Bon, next, après mon cul, tout de suite après, bon, R pour Removed, René, tu viens d'en parler. Honnêtement, ouais. J'avais pas pris la peine de regarder qui était le réalisateur qui avait été pris. Je savais que Ty West était dans le lot, mais à part de ça, je me suis, t'sais, j'avais une petite idée, mais je savais pas qui c'était qui les réalisateurs connus qui étaient dans ce film-là. Quand j'ai écouté Removed, justement, l'histoire d'un personnage qu'on voit pas son visage, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est ultra cicatrisé, il a le dos complètement en miettes, on voit ses bras dans un lit d'hôpital, on voit ses bras au travers de la jaquette qui sont complètement détruits, c'est cicatrisé au coton, c'est tout coupé, tout brûlé. Puis on voit des médecins qui tranchent le dos puis qui sortent des négatifs, des négatifs de film qui révèlent ça, si on veut. Ça finit d'une drôle de façon, l'histoire avec le train, je comprenais ouais. rien. Mais en écoutant ça, en voyant le personnage qui se fait amener devant les caméras, avec son petit look, le chapeau de cowboy, botte de cowboy, j'ai dit, ben calvaire, Tom Six a fait un short là-dedans. J'étais convaincu que c'était lui. Puis juste pour me convaincre encore plus que c'était lui, on a une petite scène avec de la marde. Fait que là, j'étais convaincu. Mais non, c'est pas Tom Six. Mais c'était quand même un de mes meilleurs. C'était foutrement dégueulasse. C'était vraiment hardcore. Ah ouais. Il y avait un gros what the fuck moment avec la fin de cette histoire-là. C'est démesuré, ça n'a pas de sens. Mais j'ai trouvé ça super bon. Fait que c'était. Ben, est-ce que je voudrais juste pas conseiller aux gens d'écouter ça en mangeant ce que j'ai fait? Ouais, non, celle-là, il est solide, sérieusement. Là, parce qu'écoute, on voit un scalpel qui. Écoute, il tranche carrément des pièces de dos pour les passer au révélateur. Ah, c'est assez drôle. Dans le saut de marde aussi, c'était pas... C'est bref, mais on voit tout ce qu'il y a à voir. C'est ça, on voit ce qu'il y a à voir. Lui non plus, il avait pas été capable de le flusher. Next, ben j'avais aussi mis X pour XXL de Xavier Gans, qui était fucking extraordinaire, mais vu que Sébastien t'en a parlé, j'avais prévu le coup. J'en avais un autre... J'en avais quatre, puis c'est ça. L'autre, c'était d'un coup. Puis ça fait aussi partie de ceux que je suis foutrement gêné d'avoir aimé. Et c'est Elle pour Libido. Ouais. Oh, man. Il était bon. C'est pas mauvais. L'histoire de Elle pour Libido, c'est qu'on a deux personnages attachés à une chaise devant une scène X, disons. Et puis on comprend assez vite. Ouais, on comprend très vite qu'il faut que, bon. C'est comme le jeu de la tranche de pain. C'est précoce. Ouais, il faut qu'il se passe une tapoche en réalité, puis le premier à venir, il gagne, l'autre meurt, OK? Je viens de résumer. Sauf que, bon, c'est que ce qu'il aurait présenté n'est pas toujours agréable à regarder. Ce qui fait que, bon, on a un champion masturbateur qui vient à tous les coups, qui devient notre protagoniste, qui gagne tout le temps. Puis, à un moment donné, il fait face à quelque chose de foutrement dégueulasse, qu'un autre espèce de pas propre, dégueu, de pervers adore. OK. À la fin, ça devient plus que dégueulasse. Tu dis, oh non, ils n'ont pas été jusque-là. Ouais. Puis, je trouve que c'est un petit peu la touche comme vraiment horreur, vraiment gore de ce film-là. Sans compter la finale qui est foutrement délicieuse. Là, c'était de toute beauté. Mais c'était le film, c'était le petit 4 minutes le plus malaisant de toutes ces 2 heures-là. C'était vraiment... Voyons donc, ils ont pas fait ça. Tu sais, je veux dire, on voit des gars qui se masturbent à la pocheté, puis des gitelés, il en veut-tu, il y en a. C'était étrange. Peux-tu m'expliquer l'œil? Comment? L'œil, ouais. Je la comprends pas, celle-là. Ben, t'as pas à la comprendre. Là. C'est là pour être là, là. C'est tout. Là. C'est japonais. Des détails pour ajouter à l'étrangeté. Là. C'est ça, c'est ça, l'inquiétante étrangeté. Ah, non, c'était délicieusement dégueulasse. En tout cas, C'est l'espèce de malaise que ce film-là apporte que j'ai aimé, curieusement. Tu sais, je veux dire, j'écoutais ça dans mon salon, je fais « OK, wow, c'est hot », mais je voudrais jamais que quelqu'un débarque pendant que je suis en train d'écouter ça. J'ai de l'air d'un foutu. T'aurais l'air d'expliquer un peu. Ah, man, c'est clair. Tu sais, tantôt, je disais « Klotz », c'est le genre de film que je vais me rappeler toute ma vie, là, la fille qui essaie de flusher sa crotte, mais « Libido », « cannot be unseen », tu sais. Ah, non, tout à fait. Tu peux pas effacer ça de ta tête quand t'as vu ça. Mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est bien fait, là, visuellement, tout ça. Oui, c'est un que... La qualité de production, elle est très bonne. Oui. Autant que c'est crasse, que c'est pas botché. Oui, c'est vrai. Oh, oui, tout à fait. Fait que c'était ça, c'était mon top 3 des ABCs of Dead. Comme j'ai dit, Libido, c'était comme mon quatrième, mais vu que Sébastien t'a déjà parlé de XXL, qui était fucking extraordinaire, ben c'est ça. Fait que, next, on est rendu à Kevin. Ton top 3 ouais. de ABCs of Dead. Ah ben moi, je suis content, je passe quatrième, mais on avait pas mal toutes des idées différentes, parce que moi... Ben c'est cool, ça. Il y en a juste... Ouais, mais c'est ça, c'est cool. Je pensais, tu sais, je vais être obligé de changer un peu, mais finalement, non, ça... Ça y va. Mais moi, le premier, c'est Speed, de Jake West, qui a aussi fait un film qu'on connaît, Dog House. Oui. Pour ceux qui connaissent ça. C'est un Britannique. Dans le fond, ça raconte l'histoire de deux filles qui sont dans le désert. Ah oui! Enfin, il y en a une que... Ouais, il est bon. Tu t'en souvenais pas. Mais non, mais c'est, écoute, ça, dans le fond, y a c'est 26 films, hein. Il y en a qu'on oublie, puis Speed en faisait partie. Ouais, mais non, là, à la seconde que t'as dit, la course dans le désert, j'en suis revenu. Ouais, c'est ça. C'est une femme, dans le fond, qui a une autre femme en otage, puis il s'échappe d'un building, puis là, il y a comme un espèce de monstre qui les poursuit. Puis là, tu comprends que, dans le fond, c'est ça, eux autres, ils se sauvent de ça, mais ils sont comme contre l'une l'autre, mais ensemble un peu, puis tout. Puis j'ai trouvé ça un peu, ça me fait penser à du Tarantino un peu, la façon que c'est réalisé. Là. Ouais, Tarantino croisé avec le film Bitch Slap. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exact. Non, c'est ça. Puis non, ça, sans compter la fin, là, t'as toute une grosse métaphore en plus là-dedans avec le désert, puis justement le personnage qui les poursuit. Puis man, ça là, la fin. C'est raconter des shorts, c'est dur parce que tu peux pas spoiler, mais si t'en racontes trop sur 5 minutes, tu sais. C'est... Oh, oui, mais non, en même temps, c'est ça. Faut pas que tu le racontes. Mais je peux juste te dire que la métaphore, autant tirée par les cheveux que peut-être, je l'ai trouvée délicieuse. Ouais, délicieuse. Tu t'en attends pas non plus, tu sais. Pas pantoute, non. Ah non. Tu sais, quand ça se passe, c'est ça. Tu t'en attends vraiment pas. Puis. Sans compter que les deux madames étaient tellement belles, c'était même pas drôle. Oui. Il faut passer à des. Des Suicide Girls un peu, là, tu sais. Ouais. Dans le style, là. T'inquiète, eux autres aussi, je les connais bien. Soit dit 100% pour nos auditeurs qui veulent retomber en amour à toutes les 10 minutes, abonnez-vous au feed Instagram des Suicide Girls. C'est de toute beauté. C'est super, la fun. Toi, tu vois mes likes hein, quand tu checkes tes natifs. Non, ça fait des années. Ben, pas des années, ça fait depuis que j'ai Instagram que je les suis. Ah, c'est clair. T'en as pas manqué, les Suicide Girls. Sauf dans le remake du Wizard of Gore. Excuse, vas-y. Comment? Parce que ils ont fait le remake du film de Wizard of Gore, puis au lieu d'aller chercher des actrices, ils ont pris un bunch de Suicide Girls, puis ben ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire se montrer tâtons, puis c'est tout ce qu'ils font. Ben ça en prend dans les films d'horreur, je pense que. Ouais, mais tu sais, se montrer tâtons puis tu cries là. Ouais. Ok, tu marques un point. Je sais pas ce que René et Seb en ont pensé. The Speed. Ouais, ben moi, j'ai bien aimé comme tu dis, le petit côté que ça amène à la fin, là, la fin où ça va, puis le côté esthétique un peu à la bitch slap. Et... J'avais aussi un peu Tarantino en tête quand t'as dit ça. Mais... Ben surtout, tu sais, plus sur la course dans le désert. Là. Ouais, pas nécessairement dans l'horreur, mais. Le char de la dame, il est beau. Ouais. Non, moi, ça va. Écoute, ça a pas mal été dit. Là, je ferais juste répéter ce qui a déjà été dit. Bon, ben, next, mon cher Kevin. Next, ça serait un film vraiment différent. C'est Jedi Geki. Je sais pas si je pense bien. C'est japonais, fait que... On demandera à Dan Vaillancourt ce qu'il en pense. J'ai pas mis ton prénom de moi, mais lui, c'est pas mal l'expert en prononciation japonaise. Asiatique, ouais. Mais en tout cas, en anglais, ça veut dire Samurai Movie. Puis en français, ça veut dire film de samouraï. Merci! Ben, ce film-là, genre, c'est un peu comme Klotz, quand je disais qu'il n'y avait pas rapport dans ce film-là. Ben, ça, ça en est un, tu sais. Il n'est pas vraiment horreur, mais il est tellement bien fait, tu sais, au niveau de. Pas l'animation, mais les effets sont tellement bien réalisés. En tout cas, je vais dire c'est quoi, là? Mais dans le fond, c'est. Tu vois deux Japonais, t'en as un que tu comprends qui est là pour se faire exécuter. T'en as l'autre, ben c'est son bourreau. Puis, mais tu comprends que le bourreau, il a vraiment de la misère à exécuter sa tâche. Puis, je sais pas, il a pris quoi, de l'acide ou n'importe quoi, mais il t'hallucine des faces que le gars qui va se faire couper la tête, les yeux deviennent tout fuckés, la bouche. Ah. Ben, c'est des mimes. Oui, ben, tout à fait. Oui, exact. C'est ces expressions. Les troll face qu'on voit, c'est net. C'est ça, on reconnaît les troll face. Exactement, ça arrête pas de changer ses expressions faciales. Fait que là, le gars, il est en sueur, mais tu sais, en sueur exagéré. C'est comme, il garoche des seaux d'eau dans la face. C'est tellement réalisé. J'ai tellement ri en écoutant ce film-là que j'avais pas le choix de le mettre dans mon top 3, même si c'est pas vraiment de l'horreur, parce que bon, c'est pas très gore, puis mais c'est juste très drôle, puis ça fait du bien dans ce film-là, mais... C'était court, là, moi, il m'a fait penser à par son absurdité, il m'a fait penser à les trucs japonais que Sushi Typhoon y font, ben, toutes les plus grands des absurdes japonais. Là, tu sais, ça marche. On n'a pas l'extrême gore qu'on est habitué, mais tu sais, côté absurdité, c'est complètement démesuré, ça n'a pas de sens. Ah, c'est là, tu peux pas aller plus loin, là. C'est clair que c'est très, très absurde. Sinon, j'avais 3-4, c'était Quack, puis l'autre, c'était XXL, fait que je vais essayer d'en trouver un autre. Ça peut être correct. Force-toi pas pour en trouver un autre. Parce que, au pire, là, on va avoir des mentions plus tard dans le show s'il y a de quoi. Moi, je pense que j'irais avec Quack aussi. Avec Quack? Juste dans le cul. Oui, oui. Kevin, tu vas pour le cul. Ouais, je vais pour le cul. Non, mais justement, que ce soit les gars qui sont comme blasés. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait? On a un film à faire. Ils n'ont pas d'idée sur la lettre Q. Là, c'est ça. Moi, je pense que t'as pas mal dit tantôt aussi ce qu'il y avait à dire. Parce que ces deux gars-là, en plus, ils ont tellement l'air de deux regular Joe. Là, ils ont l'air de n'importe qui. Là, c'est pas des réalisateurs. Ben, c'est sûr, c'est pas des pop stars non plus. Là, mais c'est pas des gars qui se prennent pour d'autres. Pis, comme on a été payé, ben, on va le faire, là, cette film. <C'est ça. rire> on va shooter un canard dans le désert. À vous, le gars de son, man. Ce qui n'a pas rapport. C'est le meilleur figurant de tout le film. 26 films. Bon, on a pas mal fait le tour. Steph, on t'entend pas? Ben ouais, il est là. Il est là. Vous n'avez oublié deux là, que j'ai bien aimé. Ben là, regarde, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on t'avait pas inclus vite pour nos éditeurs. C'est que toi, en réalité, t'avais juste pas noté ceux que t'avais bien aimé. Ben ouais, c'est ça. Mais vas-y, Free, puis parle-nous-en dans même. Là. Ben ouais, ben moi, j'ai bien aimé le F là, pour Fart. Je l'ai ri, est-ce que je l'ai ri, là? Oh, man. Tu t'attends tellement pas à ça, là, mon gars, le gros pet avec la boucane jaune. Ça, man, écoute, c'est sûr que tu t'attends pas à ça. Il y a personne au monde qui s'est installé devant ce film-là, qui a pesé sur play, mais qui l'a vu en salle, qui a écouté ça. Il a fait quand, ouais, oh, t'es prévisible. Non, non, man, aucune fucking chance, mon gars. C'est... La personne qui a fait ça, là, c'est un fan de Mortal Kombat, puis il doit jouer tout le temps avec Samsung. Samsung. Sauf qu'il a passé par les fesses. Puis... Bon, ton autre, Steph, que tu voulais nous parler, c'était quoi? Non, l'autre, j'ai bien aimé, j'ai fait écouter ça à ma blonde, puis j'ai dit, moi, j'ai juste un petit pinson chez nous. Là. Ils ont une crise dehors, pareil, on prend pas de chance. C'est nuptial, tu veux pas parler? Ouais. Ah non, le petit oiseau, quand il s'est mis à parler, il a dit que j'ai ri, là, il fait, hey, il imitait la fille qui jouissait, là, non, non, gars. Ça a tellement l'air. Tu sais, ça a l'air d'une mauvaise pub d'assurance ou whatever, ça, N pour nuptial. Ah, sérieusement, j'ai ri en tabarnak. Il y a zéro horreur, zéro gore. Ah non, il n'y a pas d'horreur, mais. C'est super. Il y a du ça dans la caméra. C'est recherché quand même, je veux dire. L'humour de ça, je l'ai trouvé super bonne. Puis en plus, ben, je sais pas si c'est parce que c'est des Japonais, mais ils sont tellement caricaturales, les deux personnages, que ça marche, là. Ouais, c'est pas mal mon petit top 2. À part ça, le chien de la stripteaseur, je l'ai bien aimé lui aussi. Ah, c'était cool ça avec. Ouais. Bon, mais regarde, on va aller prendre une petite pause avant de passer à nos shit. Fait que Steph, musique? Ben ouais, j'ai choisi ça. Ben oui, ça, j'ai fait mon devoir. J'espère que tu m'as envoyé. Ben ouais. À savoir si tu l'as mis dans le bon ordre, sûrement. Ben, on les écoutera pas live, ce show-là, parce que ben j'ai réécouté le dernier show, puis c'était vraiment pas super. Mon compresseur, mon limiteur sont mal setés, puis j'ai pas eu le temps de rechecker ça. Fait que je vais les mettre au montage. Fait que peu importe laquelle tu dis, c'est celle-là que je vais mettre. C'est bon. Fait que non, sérieux, Hillbilly Moon Explosion, un petit band qui roule depuis 98. Écoute, ça vient d'Europe parce que la chanteuse, c'est une Suisse. En tout cas, son gars, attends, le Suisse, non, le bassman, c'est un Suisse. La chanteuse est italienne. Puis il y en a un autre qui vient de je sais pas où. En tout cas, on va dire que ça vient d'Europe, là. Sérieux, j'essaie d'avoir des infos là-dessus, là. C'est vraiment un band de fond de cours, là. une grande cour, une popée de grande cour qui s'étend de Suisse jusqu'en Italie en passant par l'Allemagne. Ouais, mais tu sais, ils se sont rencontrés dans un festival rockabilly, là. On s'entend dessus que y a pas grand monde. Ben, il y en a gros qui vont là. Donc, oui. Là. Tu savais bien ce que je veux dire. C'est ça dans une province, puis c'est tout le pays qui vient, là. Excellent. C'est le pays qui vient. Ouais. Oh man, ok. Steph, c'est quoi la toune qu'on met ça? Il est temps qu'on aille prendre un break, là. Non, on va y aller, écoute, avec My Love Forevermore. Excellent, on va aller écouter ça. Merci. I'd like to pack this in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love, but first just this last one. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you. Oh, the river's cold and black, and the bottom is a long way down. Another one going underground. Why can't we cut the ropes and let that poor fool go? Though you go getting weak on me, not when I need you so. We stood on a cliff on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. Trust me now, believe in me. Forevermore you love, you have pledged to me. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. We'll stay at home and call this day our own. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore. Steph, encore une fois, bon choix musical. Merci pour ce bonbon pour nos oreilles. Yes. Hey, on est rendu à la deuxième partie du show, c'est-à-dire que là, on va vous parler des notre bottom 3, c'est-à-dire les trois films pires de cette anthologie de 26 chapitres qui est ABCs of Death. On va garder le même ordre. On va commencer avec toi, Sébastien. On va essayer de garder ça dans le... Comment je dirais... dans l'objectivité, parce que ça va être facile en maudit de dire qu'il y a des films de marde là-dedans, parce qu'on a été gâtés. Ouais. Hey, 26 films, là, fallait s'attendre à de la shit à travers ça. Là. Oh, et puis 26 shorts. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans des festivals de courts-métrages, mais la fois dans même, là. Genre probablement à Spasme ou à Fantasia. Nous autres sites au Saguenay, on le festival, on regarde sur le court-métrage. Tu vas dans une soirée où ce qui t'en présente une quinzaine, là. Il y en a que tu trouves le temps long en salle. Et ABCs of Death, c'est pas, ça change pas la donne. Il y a de la marde là-dedans, mes amis. Tu disais objectivité? Fuck mais... that, aussi. C'est lui le boss, de toute façon. C'est toi le boss, c'est ça. Moi, je fais juste animer. Mais ça. Moi, j'aime ça que t'aies starté un show que t'en aies fait pendant, t'en aies fait une dizaine, puis tout d'un coup, c'est moi le boss. Ah, c'est le poids du point CA qui vient nous peser sur les épaules. Ça. C'est ça, hein. Ok, alors je commence avec la lettre E for Exterminate, réalisé par Angela Bettis. Angela Bettis, okay. Qu'on aime. Eh oui. Pour May, surtout. May, et j'avais bien aimé son interprétation dans l'épisode de Master of Horror, Sick Girl. Oui. Qui était un de mes bons, là. C'était un de mes bons Master of Horror. Puis c'est ça, a joué le rôle de May. Et là, dans lui, elle est réalisatrice. Et c'est peut-être pas sa place derrière la caméra. Up for Exterminate raconte l'histoire d'un homme dans son appartement, dans sa maison, peu importe, qui voit une araignée sur le mur et qui essaie de la tuer et elle l'évite, puis elle se sauve. Pendant la nuit, pendant qu'il dort, elle s'en va le mordre, puis là, bon, le lendemain, il se réveille, puis il y a des piqûres sur la face, puis bon. Puis là, il file pas, il y a du mal, puis on comprend que l'araignée, elle a fait de quoi. Puis ça va être un genre de chasse à l'araignée pour le restant du film. Avec un punch, ma foi, c'est vraiment poche. Là, avec, on dirait une légende urbaine, là, mais vraiment une légende urbaine que ma mère m'a déjà raconté quand j'étais jeune. Tu sais. C'est. Je sais pas si vous êtes d'accord, là, mais c'est mal filmé. Le gars est tellement mauvais acteur. Il est vraiment mauvais acteur. Puis la putain d'araignée, là, elle est faite par ordinateur. Tu y crois tellement pas à la petite araignée. Là. Puis même le punch final est fait par ordinateur, puis c'est moche. Sérieusement, là, ce film-là, là, c'est... Tu sais, là, je le nomme en premier, là, parce que moi, j'y vais dans l'ordre alphabétique, là. Mais c'est vraiment le plus mauvais, parce que tu le regardes, puis tu te dis... Simonac, là, c'est un projet de fin de bac, c'est quoi ça? Non, mais ça c'est le premier tournage de Spider-Man, puis ils se sont rendus compte que ça pognerait peut-être pas. C'est la fin alternative. Moi, vois-tu, là, ce qui arrive avec ça, c'est que quand j'ai vu le. Bon, j'ai trouvé à chier, là, quand j'ai vu le nom, Angela Bettis, j'ai fait comme. C'est qui donc ça? Puis quand j'ai vu May, j'ai fait comme. Oh fuck! Je peux pas comprendre qu'une fille qui est aussi extraordinaire comme actrice, parce que disons-le, surtout dans le film May, man, plus que ça, là, sérieusement, c'est un à mon humble avis, à moi qui veut absolument rien dire, c'est un rôle digne d'un Oscar. Ça. Puis. Elle a, dans sa réalisation, un des pires comédiens que j'ai vu de ma vie, man. C'est terrible, je veux dire. Drive-le un peu, ou au pire, tasse-le, puis va te planter devant le Kodak. Il y a de quoi qui marche pas, là. Mais, moi, j'aurais vu elle. T'sais, ça aurait été meilleur, c'est certain. Tu sais, les effets spéciaux, on comprend que ça peut être mauvais, mais le gars, il est tellement mauvais qu'il a tout pété, il a ruiné la patente au grand complet. Assez que des fois, on se demande qu'est-ce qu'il pense. Puis s'il y a bien quelque chose que t'as pas le goût de te demander, c'est que c'est. Tu sais, qu'est-ce que le comédien essaye d'interpréter? T'essayes de comprendre le jeu du comédien. Ça te donne une idée qui soque la merde dans le tabarnak. Il devait penser que c'est 500$ faites facile. Ça se peut, ça. Moi, mais j'espère qu'il n'y a pas eu 500$. Ça ne durera pas longtemps. Man, j'irai pas donner 500$. En 2 heures. Ah, mais premièrement, là, l'acteur est pas bon, mais l'histoire est pas bonne. T'effaces tout, tu recommences d'autres choses avec la lettre. Là. Les effets spéciaux pas bons non plus. On parlait de Spider-Man, ça a déjà été fait. Là. Tu refaisais en pas un nouveau. Là. C'est plate, mais elle avait une lettre assez facile pour faire de quoi de meilleur que ça. Ouais, en plus. Oui, c'est vrai, t'as raison là-dessus. Mais c'est en vrai. Plus, c'est que la réalisation est poche. Il y a zéro build-up dans ce film-là. Là. T'es pas en train de te demander qu'est-ce qui se passe. T'sais. Tu sais, je dirais à quelqu'un, le gars, il se fait mordre par une araignée, puis il file pas, puis il va se passer à quelque chose à la fin, puis une chance sur deux qu'ils disent la punch. Ouais. On dirait un mauvais film tourné sur YouTube. Je peux y aller encore avec un autre mauvais point qu'on n'a pas parlé, mais les plans de caméra. Les vues de l'araignée, comment c'était tellement miteux. Sons, man, on dirait que c'est comme un robot, genre. C'est n'importe quoi. Non, mais tu sais, écoute, on est en 2013, là, les plans de vue de l'araignée, faire ça comme si... Ça, c'était pathétique. Non, c'est... C'était le prédateur, là, tu sais. Hey, man, arrête, le prédateur était mal. Fucking plus hardcore que ça. Ouais. Okay, next. Que... on a fait le tour. Je pense on pourrait le caler encore plus, mais on est tous humains d'arrêter. Ah ouais, non, c'est ça. J'y vais avec O pour orgasme. Ouais, ok. Ok. Qui raconte. Qui raconte pas d'histoire. Ok, j'attendais que tu dises quoi, parce que sérieusement, j'attendais que tu me trouves une histoire au travers de ça. Je vais être comme, waouh, s'il a vu quelque chose déjà là, il est plus intelligent que moi, il a pogné une subtilité qui existe pas, je sais pas. Merci. Ok, c'est pas compliqué, c'est un gars et une femme qui font l'amour. Ben, plutôt un gars qui fait un job. Hein. Ouais, c'est ça, la femme a fait l'étoile, mais en tout cas. Puis, pendant tout ça, elle crache des bulles. Puis, c'est pas mal ça. Elle crache des bulles, le gars. On m'envoie des affaires des bulles. Oh, ouais, avec près du ralenti à 60 images secondes là, pour faire artistique, là, tu sais. Je fais une bulle au ralenti avec une cigarette, là. Tu sais, c'est le genre de film que tu te dis, man, t'as-tu essayé d'être un artiste, puis tu l'as pas, là? Hey, man, c'est exactement ça à quoi ça m'a fait penser. On dirait que c'est un fan fini de David Lynch qui a fait un film fuck-all juste pour le but d'être fuck-all. Vraiment. Puis, un trip d'acide. Ah non, écoute, c'était... Ah, ben, même pas. J'espère qu'il y a des trips d'acide plus trippants que ça, là. C'est pas que ça, moi, oui, je confirme. Il y a trop de fun. Dans... Et puis, ici, off sex, puis il s'est rendu compte que c'était pas bonne fois. Il fallait que la fille meure. Fait qu'il a dit, je vais mettre ça. Hey, c'est vrai, ça, par exemple. Il y a fucking aucun élément d'horreur, aucun élément de mort. Ce film-là est pas à sa place. Oui, elle meurt. Une affaire de mort. C'est merdique. On dirait juste une excuse pour avoir sa place là. Parce que c'est vraiment merdique. Oui, ah, écoute, là, on va le dire, là, tu sais, il y a une ceinture, il la promène sur le corps. Oui. Ouais, je oublié celle-là. Justement, les bruits des bulles qui pètent, dans le fond, c'est comme des bruits de fouette. Ah, là, toi, tu commences pas à essayer de trouver une profondeur à ça, là. Ah non, mais dans le fond, c'est 50 Shades of Grey porté à l'écran dans un court-métrage. Man, lâche-moi avec 50 Shades of Grey, man, sérieux, là. Donc, les fans féminines qui nous écoutent, ça va être votre préféré. Ça veut dire que ma blonde, elle va aimer ça. Ah, elle va capoter après ça. Tu vas passer à go, mon gars. Non, mais c'est pas grave, parce qu'après ça, elle va voir le prochain dans ma liste. Vous aviez-tu d'autres choses à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait le tour. Parce qu'après ça, elle va voir le prochain dans ma liste. Et je suis pas mal sûr qu'il est dans toutes vos listes. Ouais. Et c'est W. Ouais. For what the fuck. Hey, hein. W pour WTF, what the fuck, réalisé par John Schnepp, qui garde. Il y a une page Wikipédia, mais il mériterait qu'on la détruise. ça c'est très drôle. Sur le wiki de ABCs of Death, là, le résumé de What the Fuck, c'est A series of random and vulgar scenes. Ça commence avec la même prémisse que Quack. Les gars qui font hey, on a la lettre W, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais autant que Quack partait avec ça et faisait quelque chose de le fun, de drôle, de sympathique, ben eux autres, ils ont pogné la lettre W, là. Puis c'est juste un ramassis de n'importe quel shit de merde, de morse qui tire des lasers par ses yeux, de femmes guerrières qui tuent des magiciens, de filles en tâtons. Ah, les clones zombies, oublie pas les clones zombies. Hein? Oublie pas les clowns zombies. Les clowns zombies qui font des attaques à la tarte. Un bout de dessin animé avec un genre de sorcier qui squeeze les tontons d'une madame. Écoute, c'est tellement. Tu sais, là, tu l'écoutes et tu fais, man, là, tu ris de moi. Là. On dirait que le gars est en train de monter les scènes et puis c'est comme juste. Je gonfle l'argent puis je fais. C'est bon, ça. Ah. Je sais pas si vous en avez à rajouter, parce que c'est comme difficile. C'est difficile de le bâcher à quelqu'un qui l'a pas vu. Puis même quand tu l'as vu, tu peux juste dire, c'était de la merde. C'est du gros n'importe quoi. C'est... Tu sais, t'as fait delete dans ta mémoire, hein, tu sais. Mais écoute, regarde, ben, moi, je l'ai trouvé mauvais, on s'entend, mais ça fait pas partie de mon top. Mais c'est comment que ça commence? Ça commence exactement comme un épisode de Metalocalypse. C'est le même style de dessin animé, c'est identique, c'est pareil. J'ai trippé, j'ai fait comme, oh, wow, on va pas avoir un 5 minutes de ça. Puis en plus, ben, tu sais, si ça arrêtait, l'histoire continue, justement, l'espèce de magicien, petit démon, ils sont en train de torturer une femme, tu dis, bon, c'est n'importe quoi, mais ça peut amener quelque part, tu sais, ça va peut-être être drôle, puis ça va être over the top. Je te disais que ça allait être W for Wizard, tu sais. Ouais, ça aurait pu, ça aurait été correct, ça aurait pu continuer comme ça. Mais là, on sait ça, ils ont scrappé en mettant... Bon, quand j'ai vu des clones zombies, j'ai dit « Ah, ok, ça va être drôle, là. » Non. Quand j'ai vu un morse géant comme Godzilla qui lance des lasers avec ses yeux, je fais comme « Ah, bonne idée! » Non, même pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment trop random. Il aurait pu faire de quoi, mais tu sais, ça semble... Oui? Moi, je dis que si tu fais jouer ce film-là à l'envers, là, c'est le réalisateur pendant 5 minutes qui te fait des fingers. Ça se peut en tabarnak. Fuck you. Ah, je suis content, son gage. Viens, toi, mange ma marde. Ouais, il tire son cage dans les airs et il fait des fingers. Ah, c'est ça. Merci, Sébastien. Merci pour ton opinion. T'as quand même réussi à être moyennement objectif. C'est pas vrai, pas en tout. On va passer à René. René, ton bottom 3 des cochonneries. Ouais, disons qu'il y a eu des changements de dernière minute. Tu m'étonnes. La maison de le patron a parlé. Hein? Non, j'avais pas mal, j'avais quasiment tout le même choix que ça, mais finalement j'en ai ben, c'est parfait, ça, comme ça, t'auras pas rien à dire, bon, on va passer à moi. Mais non, j'ai réussi à m'en trouver deux autres, j'en ai juste deux. Vas-y. J'en ai pas. T'avais les trois mêmes, non? Ah, j'avais Argas, Exterminate, puis What the Fuck. Calornin. Mais j'ai rajouté Gravity parce que, excusez-moi, ah. Là, c'est de la merde. Un first person, je m'en fais du surf, là, je compterai pas le punch, là, mais c'est de la grosse merde. En plus, c'est la même pauvre. Il y a un punch lien avec le titre, mais c'est de la grosse merde. J'avais oublié celle-là, c'est le vrai. Gars, on voit un gars, on voit une caméra qui embarque des briques dans son sac, après ça, qui s'en va met son sac à dos, prend sa planche de surf, s'en va faire du surf, oups, va dans l'eau. Puis après ça, on comprend qu'il cale, là, on va le dire. Forcez le jeu si vous avez une chance. Hein, c'est comme, c'est quoi cette merde-là? Qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, il meurt, mais c'est de la grosse merde. Un suicide en direct, c'est quoi? C'est... Ah, encore là, tu sais, c'est... Appelez ça Gravity. Oui, je comprends que si au moins il avait remonté, il n'aurait pas été capable de crever, ça aurait été bon. Ça aurait eu un lien avec la gravité. Là, il cale. Mais bravo, c'est encore lisse. Excusez, mais... Non, je pense que c'est le moment où on a le droit de sacrer. On a tout le temps le droit de sacrer. On est à l'heure Gamer Show, pareil. Mais non, je suis d'accord avec toi à 100 000 à l'heure. Je l'avais complètement oublié, Gravity, vois-tu? Ça fait partie de ces films. Oui. C'est le plus éphémère de la gang. Ah, ouais, éphémère, le mot est faible, mais je te dirais que... Il est très, très court, en plus. Il dure vraiment pas longtemps. Ouais, une chance. Une maudite chance. Ouais, il fallait que ça soit plus long, là, on le verrait couler plus longtemps, c'est quoi? Non, sérieux, c'est une mauvaise idée qui est mal exploitée. C'est peut-être ça le lien des bulles avec Orgasm après. Ah non, non, on vient pas sur Orgasm. Il monte puis lui il cale. Non, ok, next. C'est l'autre first person, c'est On Earth. J'aurais aimé que ça soit plus violent. On voit un gars comme Kiko qui se fait attaquer par du monde, il se fait rentrer un genre de. Ça ressemble à une faux, je suis pas trop sûr, un bâton qui a l'air coupé. Puis tout le monde nage de pompier, je pense. Des flèches, ouais, il y a une nage de pompier, mais ça n'a pas l'air d'une hache. Ah, c'est un pompier qui l'attaque, ça a l'air de ça. Ouais, mais je crois que ça avait l'air d'une hache, moi. En tout cas, on va dire que c'est une nage de pompier pour le besoin de la chose. Le unhurt, là, c'est comme, je sais pas, je comprends pas. Il aurait pu faire de quoi de violent, il aurait pu faire de quoi de bon, mais. Moi, vois-tu, au début, c'est comment ça s'en va. Moi, vois-tu, il faisait partie de mes mentions d'honneur, je te dirais, unhurt, parce que j'ai trouvé que pour une fois. First person, disons. J'ai trouvé intéressant. Ouais. J'ai trouvé que ça avait été bien réalisé. Puis justement, écoute, il y a un effet cool là, de flèche bord en bas du bras qui était très bien réussi. Le fait qu'il se fasse trancher à la tête, puis tu dis, bon, c'est filmé en first person, ben, tout, c'est bien réalisé. J'ai trouvé intéressant, moi. J'ai trouvé même, je te dirais, je l'ai trouvé bon. Le problème, c'est que c'est pas que c'est à chier, qu'il est nul. C'est juste qu'on dirait que t'en veux plus. Tu veux qu'il décapite un des gars, tu veux qu'il. Tu sais, il me semble que j'aurais vu qu'il en tabasse un, il fait juste mort d'une fille qui passe par là. Ouais, mais c'est une créature traquée, tu sais, je veux dire, elle sauve. Puis tu le sens, moi, en tout cas. Qui, à un moment donné, t'essaies de te défendre, il fonce dans le tas, il me semble, tu traques un shot, il va vouloir te griffer, il va vouloir t'encrisser vite. Mais c'est vrai que j'en aurais pris plus parce que on comprend rapidement que c'est une histoire de vampire. Ouais. Tu sais, ou quelque chose comme ça, là. Puis, ouais, j'avoue que, tu sais, un vampire first person, on aurait voulu le voir. c'est ça. Faire un peu de mal avant de se faire tuer. Mais en même temps, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que c'est un vampire, t'es en first person, mais le vampire est dans la shit. Tu sais? Ouais. J'ai comme trouvé ça cool d'être comme au moment où ce que le vampire est dans la shit, puis qu'il est. Il a pas le contrôle, puis ses pouvoirs ne servent à rien, puis ça a été une vision du vampire que j'ai trouvé intéressante sans que ça me passionne. Moi, je trouve que ça fait partie des comment je dis, tu sais, quand je disais tantôt qu'il y avait des films que dans le 4 minutes, ils réussissent à donner un gros backstory à leur personnage, mais celle-là, il en fait partie. Parce que tu sais que, bon, écoute, tu vois quasiment du monde avec le faux puis le lanterne qui court après le vampire. Tu comprends que c'est une longue... C'est une chasse qui dure depuis longtemps, puis comment est-ce qu'ils te le ramassent, puis qu'ils parlent, que, ils ont un intérêt personnel envers la créature. Je trouvais que c'était cool, parce que justement, c'est ça, dans les 4 minutes, ils ont donné un gros, gros backstory à cette histoire-là, puis je veux dire, c'est le genre de film qu'on pourrait en faire un long métrage. Donc oui, je te donne ton point qu'on en veut plus. Mais c'est ça, je pense que c'est pour ça. Il n'est pas un flop comparativement aux autres, c'est pas un flop genre de la merde passée là. C'est vraiment un comme, j'en veux plus, donnez-moi un film ou quelque chose de même autre. C'est vraiment comme une déception à part, parce qu'on dirait qu'on en veut plus, puis qu'on aimerait qu'il nous en montre un peu plus. C'est comme les autres, on veut qu'on les enlève complètement, mais lui, c'est donnez-moi-en, mais c'est comme j'en ai pas eu assez, là, comme les 4 minutes, et j'en veux encore. C'est plus un flop de tu me laisses sur tu me laisses bien dur, si on veut, tu sais, si on veut faire. Oh, ouais. Je comprends, mais tu me laisses bien dur. Ouais, t'as bien dit. mais dur non, comme l'est pangé grec illégal. j'ai pas mon sampler de brancher, ouais, mais ça a été lourd. Ouais, c'est là que ça le prenait. Ouais. Je vais le mettre au montage. c'était tout, c'était tes deux. Ouais. Bon. Hey, on est rendu à mon tour. J'avais prévu le coup, j'en avais prévu 4, juste parce que j'étais sûr qu'on était pour tout avoir les mêmes, puis je suis content, pas en tout, à part j'avais O pour Orgasm. Asti de film de marde qui était pas à sa place là. Comme j'ai dit, d'après moi, c'est un fan fini de David Lynch là, qui a pogné une couple de weird de scènes weird là, puis il a dit on va faire ça pour faire ça strange. Donc ça va avoir l'air artistique ou whatever. Il y a peut-être une deuxième signification à ce film-là, une profondeur que je comprends pas, mais. Je m'en crisse, je veux pas la savoir. Tu veux-tu moins, c'est ça? Tu veux-tu vraiment la chercher? Hein? Non, vraiment pas. Non, à part de ça, M pour Miscarriage. Le film de Ty West. Quoi? Oh. Oui, j'ai vu que Ty West. Merci. Je savais que Ty West avait fait un short dans ce film-là et je l'attendais gros comme le bras. La façon que le film est structuré, c'est qu'on voit le titre du film et le réalisateur à la fin. Fait que j'ai fait « What the fuck que c'est, ce petit film de merde-là, réalisé par Ty West? » Hein? J'étais tellement déçu. C'est rien. C'est un des films les plus courts, les plus... mène nulle part, zéro histoire. Je peux même pas... Je sais même pas comment le résumer sans tout dire. Une fille qui essaie de flusher quelque chose. Ouais, c'est ça. Une fille qui essaie de flusher quelque chose, mais c'est pas drôle comme une crotte qui sort puis qui essaie de se sauver. Non, mais de toute façon, on le sait, c'est quoi, là? C'est dans le titre, là. Mais, ouais, mais oui, mais je veux dire, ça n'a aucune espèce de profondeur, aucune espèce de sens, aucun... Non, je l'ai vraiment pas... Puis c'est court, mais court, là, c'est... Ah. Non, vraiment pas. Toi, Sébastien, t'as pas l'air d'accord. Moi, c'est le genre de film qui m'a... J'ai pas trippé, là. J'ai loin d'avoir trippé, mais ça m'a fasciné. Parce que, bon... Ah, moi aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Non, ça m'a fasciné parce que j'ai trouvé que tout était dans la façon d'amener cette histoire-là. Bon, tu l'as dit, là, elle essaye de flusher quelque chose. Le titre, c'est Miscarriage. On s'en cache pas, là, c'est une fausse couche. Mais elle essaye de flusher sa fausse couche comme si c'était une marde qu'il y avait dans le bol, tu sais. Puis, en plus, elle a ses petits gros talons hauts. Tu sais, elle a l'air d'une vieille gueule. Elle a pas une vieille, plutôt d'une jeune, tu sais. Ça a vraiment l'air d'une gueule, là, tu sais. Tu peux dire une pute, moi, je pense. Une pute, tu sais. Puis qui s'en va flusher sa fausse couche. Puis j'étais comme, man, c'est tellement... Tu sais, c'est le genre de scène que... Tu te dis, j'espère que quand ça se passe dans la vie de quelqu'un, là, mais ça se passe pas de même, tu sais. Puis moi, j'ai comme trouvé l'horreur là-dedans, dans le... Écoute, là j'ai dit horreur, là, mais c'est un bien grand mot. Là. J'ai comme trouvé le côté dark dans la façon que c'était amené, tu sais. Elle fait une fausse couche, puis elle, tout ce qu'elle cherche, c'est son siphon pour aller déboucher à la toilette. Tu fais comme, ah, oh, simonac. Puis en plus, ça a l'air d'une grosse fausse couche, là, tu sais. Oh, oui. Tu sais, là, elle essaie de flusher son bébé. Ah, j'ai genre aucune sensibilité. Non, c'est ça. Qu'il y a la toilette qui est bouchée, puis... C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a fasciné, tu sais. Je l'ai compris, ça. Ça marche avec moi. Mais je vais t'expliquer pourquoi je suis déçu à 200%. C'est que j'ai vu le nom de Ty West, j'ai refait l'histoire dans ma tête, j'ai fait comme, what the... Quand il a fait, Ty West, voyons, le Cabin Fever 2, on a une scène de bébé dans les poubelles qui m'a fait remplacer, qui était fucking hardcore, là, que ça m'a viré à l'envers tellement j'avais le goût de gerber. Là. Ça aurait pu être ça. T'sais, ça aurait pu, il manquait ça. Il manquait le Ty West qu'on connaît. Tandis que là, je comprends ce que tu veux dire, l'horreur. Je comprends le Chris, la pute qu'on a le goût de faire ça avec coup de siphon, justement. Mais non, ça m'a... J'ai été tellement déçu. C'était comme trop rien pour moi. C'est sûr que l'histoire est lourde. C'est un thème qui est lourd. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est vraiment un autre qui est inconfortable. Mais... Non. J'aurais aimé mieux pas le voir. J'aurais aimé mieux qu'il se force pour nous donner quelque chose de construit. Fait que c'était ça. Next. P for pressure. Une autre histoire de pute. Calisse. Oh. Oh, mais l'horreur, c'est elle là-dedans. Ouais, ben ouais. Écoute. bon, c'est l'histoire d'une pute qui est pute pour nourrir ses enfants. On comprend qu'elle est pauvre. Pis tout. Je sais pas si. Écoute, on comprend que c'est probablement. C'est sud-américain, ce film-là. On comprend que c'est ça. Il y a peut-être un message politique au travers de ça, que ça va pas. Mais l'histoire de, c'est ça, de, bon, écoute, elle couche avec des méchants monsieur, puis les méchants monsieur, ils font faire des mauvaises affaires pour y donner de l'argent pour qu'elle puisse nourrir sa famille. Ils font même jouer avec son minou. Mais oui, puis ça finit par une fille qui écrase un chat. Elle écrase la tête d'un chat avec ses talons hauts, puis ça finit de même. Pay for le pressure, parce qu'elle a écrasé la tête avec ses talons. What the fuck que c'est ça? C'était dégueulasse, c'était pas beau. C'était... Je pense que ça le pressure, nulle part. C'est une histoire qu'on connaît par cœur. Tu sais. Je veux dire... c'est... En tout cas, sur YouTube, il y a une couple d'amour en plus. Le pressure, je l'ai plus vu comme la pression qu'il reçoit de tout. Mettons d'emmener le bicyc à sa fille. Peut-être que la pression sur le chat. Oui, ouais, ça, c'est ça. Ça a double sens. Il ouais, faut y donner au moins ça. Excellente analyse, ça. Excuse-moi, René, tu l'as peut-être aimé plus qu'à moi. Moi, j'ai juste trouvé que c'était. Pas aimé, mais. J'ai juste trouvé que c'était une foutue cochonnerie. Mais c'était très long, c'était très désagréable à regarder. Puis je veux dire, oui, c'était long pour rien aussi. Tu sais, je veux dire, s'ils veulent sensibiliser le monde au problème de la prostitution, mais écoute, non, tu m'auras pas de même. Là. Là, fuck, ça plus cher. On a un centre-ville, nous autres, sites, on a des putains en masse crémeux. J'ai pas besoin de vous faire compter des histoires dégueulasses dans la main. Dans un, il y a zéro horreur. J'ai zéro d'empathie pour la fille. Et comme pas. Ça marche pas, elle est pas. Je suis pas capable d'avoir de la peine pour elle. Elle me lève le cœur parce que c'était une foutue traînée dégueulasse, tu sais. Elle a pas. Non, en tout cas. Bah, dans le fond, elle joue bien son rôle, tu sais. Non, mais ben non. Elle a le bon casting. Elle joue pas, je pense que ça pourrait. Non, je veux dire, si elle interpréterait quelqu'un de quelqu'un, tu comprends qu'elle a de la misère puis que ça va pas bien. Ouais. Non, là, elle est juste dégueu, j'ai pas aimé. Tout simplement. T'as pas le goût de l'aider, tu sais. Non, vraiment pas. C'était un drame. T'sais, c'était bizarre. Ça n'avait pas sa place. C'était un drame. Ça essayait de raconter une histoire qui allait nous arracher le cœur. Puis ça ne marchait pas. Non, vraiment pas. Puis tu sais, un bébé chat à la fin. Sérieux. Pour vrai. Mais il un bébé chat. Non, mais tu sais, au moins le canard, c'était drôle. Là. Le bébé chat, c'est ridicule. Bon, next. Le next, Steph, tu seras pas content. C'est F pour fart. Non, man. Ah non. Oh, man. Pas dit que c'était bon, j'ai dit que c'était drôle. Je sais pas quoi dire. Écoute, le Japon sous la menace de je sais plus trop quel effet. Ben c'est un pire. Non, c'est. C'est là. Non, c'est la terre qui s'ouvre pour lâcher un gaz. Ouais, mais c'est une métaphore, ça. Dans le fond, c'est un volcan. Je sais. Anyway, ok, la petite fille qui préfère mourir en sniffant le gaz de sa, c'est quoi son mentor, sa maîtresse, sa fille qui a trippé dessus. Hein. En tout cas, elle s'y chie dans la face, puis c'est comme un what, quoi. Oh, mais lui ça se fait avaler. C'était quoi l'affaire de Dieu qui pète parce que il aime pas c'est des lesbiennes, ouais. Dieu est fâché, fait qu'il fait un pet qui va tuer tout le monde. Mais moi, je suis plus du côté de Stéphane. Moi, ça m'a fait rire. J'étais découragé. Même, je pense que c'était à toi, Sébastien, que je t'avais envoyé le « What? » Je venais de commencer le film, puis tu sais, c'était au début, là, ouais, j'ai fait comme « Oh non, faut pas qu'il y en ait trop d'un de même, je vais capoter. Qu'est-ce que c'est ça? » C'est ridicule. C'est trop ridicule pour ma tête. Puis écoute, j'en ai supporté, là, j'en ai écouté de l'humour japonais démesuré. Celle-là, non, il a pas marché pour moi. Pour aller, à la fin, c'est comme ça donne un renouveau à une chance aux lesbiennes. Oh, tabarnak. Ben, elle avale, l'autre, elle apparaît, puis il y a la petite coulée de sang rouge, elle fait des pets rouges. Hein. Hey, man, là, voyons. T'as une drôle de façon d'analyser les films. Je suis en train de me demander si je vais t'en donner d'autres. La salle de bain. Tu me fais peur un peu. C'est le salle de bain qui fait ça. Philosophe, mon gars. Et si bon. C'est René t'as philosophe, on n'ira pas loin. Une dizaine d'années, on va écouter ces podcasts-là, puis dans le fond, ça va être un génie. Genre, ouais, c'est ça, on va dire, un génie, ce gars-là. René, prends-le pas mal. René, prends-le pas mal, mais je veux jamais que tu... Si jamais tu deviens un grand philosophe, je veux pas vivre dans le monde où ce que tu vas être un grand philosophe, même si tu sais pas mal. Fait que c'était ça, c'était mon bottom 3. On est rendu à toi, Kevin. Vas-y donc. Ouais. Ah ben moi, contrairement à tantôt, là, c'est ça, je les avais pas mal toutes. Moi, mon bottom 3 assuré, là, c'était OMG. Dans le fond, c'était Orgasm, Miscarriage, puis Gravity. Sauf que là, je vais aller dans mes autres. Vas-y, vas-y. Je vais aller avec Bigfoot. Ça aussi, c'est dans le début. D'accord. T'es d'accord, hein? Ah ouais. Tu sais, je trouve l'histoire, dans le fond, c'est un couple qui veulent avoir du sexe. Mais il y a un petit gars, dans le fond, le gars, il garde son petit cousin ou son frère, je me souviens plus trop. Ouais, je pense que c'est le petit frère. Ouais, c'est ça, son petit frère. Puis là, il arrête pas, tu sais, de venir dans le salon, puis il est pas capable de dormir, puis tout. Puis bon, mais ils empêchent le couple de baiser. Fait que là, pour l'endormir, quoi de mieux que de raconter une histoire d'horreur à un enfant pour l'endormir? Fait que c'est ça. Il leur raconte l'histoire de, dans le fond, du boogeyman, mais mexicain. Qui se trouve être un Bigfoot mexicain. Ouais, un Bigfoot qui ramasse les vidanges. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. C'est juste pour dédramatiser la chose un peu. Pour dédramatiser, ouais. Mais moi, j'ai trouvé l'histoire tellement... cucu, justement, tu sais, l'histoire du boogeyman, puis finalement, ben c'est ça, c'est le vidangeur qui tue du monde, ou je sais pas trop. Je peux embarquer dans l'histoire. Vas-y, Sébastien. Sébastien, tu disais? Ouais. Ça m'a fait penser, là, à un genre de livre à la frisson, où j'avais des genres de livres, là, fais-moi c'était 12 histoires épeurantes, là. Ouais, un genre de fais-moi peur, là. Mais c'était des livres de nouvelles pour jeunes, là. 12 histoires à faire peur, puis c'est à lire avant de se coucher, puis genre, l'histoire de quelqu'un qui raconte une légende quelconque, personne ne le croit, justement, la légende est vraie. Ouais. Moi, je m'imaginais à la fin, genre, avec le vidangeur, là, tu... La petite coulisse de glu verte, là, pis Goosebump, là. Oui, vraiment. J'attendais, tu sais. Toi, Steph, je pense que t'avais quelque chose à dire dessus. Ah ouais, mais tu sais, honnêtement, ça aurait été la lettre Z pour zombie, j'aurais compris le vidangeur, là. Ouais. Mais c'est vrai, Bigfoot, hein, là. Bigfoot, ça a tellement aucun fucking rapport. Ça a aucun rapport. Non, mais c'est ça. Pis Chris, le petit Mexicain qui s'en va lui conter une histoire de... un abominable homme des neiges, là. Come on, t'es au Mexique, là. C'est ça. Il n'y a pas de neige, calice. Tu sais, le cœur arraché, excuse, la scie, là, je sais pas comment qu'il rentre dans le corps, là. Ben, ça rentre pas comme ça, là. Voilà, ça, c'est de la physique, là. Ça peut pas couper comme ça, là. En tout cas. C'est le genre de scie à pizza, hein. Ouais, c'est dur de faire un gros rond avec ça. Le seul lien entre le Bigfoot et le vidangeur, c'est la cloche. Parce que, dans le fond, la fille a dit que avant de l'attraper, le cœur des enfants, il sonne une cloche. Puis, un vidangeur qui se promène, genre, à je sais pas, il est quelle heure le soir, il est 8h, 9h, tu sais, pis il se fait sonner une cloche pour dire, hey, je ramasse les vidanges. Je sais pas, man, mais moi, il passe dans mon quartier pis il sort dehors avec un bat de base. Oh, mais c'est justement pour ça, c'est pour pas que tu penses que c'est un voleur qui va venir voler chez vous. Oui. Ben oui, hey, grosse stratégie. Quand les voleurs, ils ont juste à se traîner une cloche, bozo. Bon, on passe à autre chose, je pense qu'on a fait le tour de Bigfoot. Moi, je l'aurais fait version québécoise avec c'est Claude Meunier. Pas Rémi Girard. Claude Meunier. Peut-être avec lui qui te fait méo, là. Dans... Pierre Lebeau. Pierre Lebeau, c'est ça. Exact, exact. Ouais, sinon, bon, je vais en nommer un autre. I pour Ingrown. Ben, j'essaie de me rappeler, là. Ben, attends, je vais te dire, l'histoire, ça va peut-être t'aider un peu. Dans le fond, ça commence, on est dans une salle de bain, puis y a un gars qui il est en train de préparer une seringue. Oui. Ouais, c'est ça. Puis là... Ouais, ben, c'est ça, il prépare... Ouais, c'est bon, ouais. Puis il tasse les rideaux de son bain. Puis là, tu vois qu'il y a une femme prisonnière qui est attachée, puis toute la kit. Puis... il se met à la droguer avec la seringue ou à je sais pas l'empoisonner, quelque chose comme ça. Puis la fille, elle se débat un peu, mais pas trop. Puis je sais pas, elle meurt de même. Elle meurt droguée avec une seringue. Puis on m'a graffiné, par exemple. Man, moi, sérieux, là, il a failli faire partie de mes tops, celle-là. Ouais, curieusement. Oui, si. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est côté imagerie. Dans un, la photographie de ce film-là est fucking géniale. Ok, là, c'est à mon avis. Là, je ne veux pas te dire pantoute, là. Mais la photographie de ce film-là est fucking géniale. Tout, qu'est-ce qui est, c'est ça. Tout niveau éclairage, plan de caméra, c'est fucking extraordinaire. J'ai trouvé que, justement, à cause que ça, c'est bien réalisé, je trouve que la position de la fille, on le prend bien. C'est malaisant, je me mettais à sa place, j'étais mal pris, j'en avais... quand tu ta voix se grattait, les plaies qui sortent puis tout, j'étais comme crispé un peu, je l'ai ressenti pour vrai. Tu comprends que c'est comme le poison qui fait cet effet là. Exactement, puis c'est comme un fucking cancer qui te gruge. Moi c'est ça qui est venu me chercher, puis honnêtement j'ai adoré ce film là. Enfin, ça peut faire partie de ton bâton, mais moi oublie ça, c'était proche de mes tops. Puis toi aussi ça. Non, mais je voulais entendre parce que là, dans le fond, on a comme coupé Kevin tout de suite, puis il a comme pas eu le temps de nous dire pourquoi il l'a pas aimé. Ah, on est des bitches. Ouais. Kevin, vas-y, je m'excuse. Non, mais je l'ai pas aimé justement parce que je trouvais que ça manquait un peu d'histoire. Tu sais, t'as la femme qui parle un peu. Ben, elle parle pas parce qu'elle a la bouche chose, mais tu l'entends dans le fond comme une narration un peu. Mais ça t'explique pas pourquoi qu'elle est là, la fille, pourquoi que le gars il fait ça. Tout ce que tu comprends, c'est qu'elle a une bague de mariage. Bon, fait que tu sous-entends que Roland, que le gars, c'est son mari. Mais pourquoi il fait ça, on le sait jamais vraiment. Puis, je sais pas, j'ai pas compris, moi, pourquoi ça se passe. Cette scène-là, ça fait ça. Moi, je te dirais, un de mes feelings, quand j'écoute des courts-métrages, ben, quand je vais lire une nouvelle, c'est que quand tu vas avoir un long métrage, un long livre, c'est que tu pars du point A au point B, admettons au point C, tu te rends au point C, ben la nouvelle puis le court-métrage, c'est le point B. OK. C'est comme genre, voici... Ouais, c'est ça, il te manque le début. Tranche. Il te manque le début, il te manque la fin. Ils font comme te dire, voici le bout intéressant de l'histoire. On va peut-être te donner des indices pour que tu combles le reste, mais sinon... Le reste, ça peut être à toi. Tu sais, probablement que tu parlerais au réalisateur, puis le réalisateur, il dirait, regarde, j'en ai aucune idée. Oh, ben, il dirait, oh, j'ai pensé que le début, c'est ça, puis la fin, c'est ça. Mais que lui, il s'est dit, regarde, j'avais 4 minutes. Ce qui était intéressant de te raconter dans cette histoire-là, c'était ce moment-là. Ouais. C'est un peu mon feeling. Puis c'est pour ça que j'y pardonne son manque d'histoire et son manque de mise en contexte. Là. Moi, je trouve que le manque d'histoire, justement, ça y a aidé. Le fait, mais ça, c'est moi, le fameux questionnement. Quand on parlait du film Mama, il y a quoi, là, au dernier épisode, on en revenait à ça. On est-tu mieux de trop en savoir ou pas assez? Le questionnement, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Dans ce cas-là, moi, j'ai trouvé que c'était bon, justement. Je suis peut-être pas aussi non plus de nature assez curieuse à avoir besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est ramassée là. Mais tu te le crées d'un... Ouais, mais c'est ça, j'ai trouvé que ça efficace, comment que ça a été représenté. Si on se concentre sur le moment qui est représenté dans ce film-là, j'ai trouvé ça super bien exécuté. Ouais. Je peux comprendre qu'il y a des faiblesses au niveau du, disons, scénaristique, mais en général, là, j'ai vraiment apprécié. Non, mais c'est ça, mais faut pas oublier aussi que je suis passé quatrième, là, j'en avais. Mais les vrais bottom 3, ils étaient comme déjà choisis. C'est pour ça que je suis comme dans mon bottom 6, là, tu sais. C'est pour ça qu'on te garde encore. Oh, ouais, t'es tout pardonné. Tu tapais pas trop dessus sur la tête, là. Non. D'ailleurs, avec mon troisième, peut-être que René, il m'aimera pas, là. Mais moi, c'est Dogfight. Moi, j'ai pas trippé vraiment sur ça, justement. La réalisation, le scénario, bon, il est pas si pire, mais les slow motion du gars qui donne des coups de poing sur le chien, puis qui était le filet de bave qui arvole, tu sais, comme des films d'humour, tu sais, que, en tout cas, je sais pas, j'ai pas accroché sur l'histoire de ce film-là, puis la réalisation non plus. Ça a l'air d'un film de Zack Snyder, genre Sucker Punch en 2 minutes. Ah, ouais. Tout est au ralenti. Non, c'est ça. C'est ça, tout est au slow-mo. Tout le long, c'est en slow motion. Puis tu sais, c'est prévisible un peu aussi de la fin. Tu sais, avec les. Ouais. Quand tu vois au début, là, le gars qui a son. Un dog tag, là, que t'appelles en fond. Ouais. Bon, c'est ça, petit body, puis avec toutes les images que tu vois, puis là, je sais pas, je trouvais la fin un peu prévisible aussi, puis la réalisation... Il a fait partie des films que qui m'ont laissé comme indifférent. J'ai aimé par bout, pas aimé par autre bout, on dirait que c'est un de ceux que... Je dirais pas qu'il est oubliable, parce que ça fait partie de ceux que je me souviens, mais je suis tellement mitigé pour cela. Je sais même pas si je l'ai aimé, je sais pas si je l'ai haï, c'est étrange. Ben, moi, ce qui m'a pas tanné, mais dans ce film-là, c'est que, tu sais, l'esthétique, moi, je l'ai aimé. J'ai quand même aimé le slow motion, mais j'ai trouvé que, m'amener du slow motion, il faut que ça avance pareil. Ouais, ça y est. Pas parce que c'est du slow motion qu'il faut que ça stagne pendant 3 minutes. Tu sais, j'ai trouvé que ce film-là, avait, tu sais, comme tu dis, il y a un punch, tout ça. Mais j'ai trouvé quand son début puis son punch, dans le combat, t'es comme, long. Ouais, c'est long, il se passe rien. Il abuse du slow motion, pis c'est pas mauvaisement réalisé, mais c'est vraiment que, au début, j'étais comme, ah ouais, ok, ça a l'air intéressant. Ok, là, c'est long un peu. C'est ça. Ok, je vois le punch venir, ouais. Mais. Il peut t'arriver. Mais ça, quand même, à la fin, ouais, mais somme toute, à la fin, j'ai pas détesté, mais je comprends que, moi, il m'a pas marqué, là, tu sais, après 2-3 films, là, je l'avais oublié. Ben, je l'avais oublié, en tout cas, tu sais. Ben, surtout qu'il était déjà passé à d'autres choses. Il était dans le deuil, tu sais, fait que ouais, c'est ça, le début. Mais, tu sais, le seul point positif, ça pourrait être l'acteur, justement, qui fait le boxeur. Ouais, c'est vrai, ça. Il est badass, en fait. Ouais, il est badass, ouais. Il a une tête, il a la tête de l'emploi, là, tu sais. Je le verrais dans une cage, puis j'irais pas me battre contre lui, là. je le verrais crisser une volée à Brad Pitt dans Snatch. Ouais! Ouais! Ah non, Brad Pitt dans Snatch, il est imbattable, mon gars. Ah, il torche en sacrément de ça, sérieux. Fait que c'était ça ton bottom, ouais, mon Kev? Ouais, c'était mon bottom 6, 7, 8, là, à peu près. Ah ouais, c'est ça. Steph, on est rendu à la prochaine fois, random.org, là. Tu te forcerais un peu plus. Ouais, ben là, c'est pas moi qui ai choisi ça, c'est random.org. Alors, Steph! Ton bottom. Steph, il est encore avec nous autres ou ben il dort sur sa chaise? Excuse. Mon micro t'as sur mute. On l'a déjà vu. Non, mais n'avez oublié un. Moi le seul, là. Cycle. Ouais, ben, on en a parlé de Cycle. Ah ouais? Non, on a parlé d'un top. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, c'est ça. On magane René à soir. Ah, oh, mais c'était mon top 6. Je voulais pas nommer même que vous autres. J'étais sûr que les excuses, ça va faire. Je n'aurais pris plus, moi. Je me sens que j'aurais mis une gang, c'est-tu 20-25. Ouais. tu voulais dire des cycles, t'en voulais plusieurs. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais hein, tu sais, ça finit, puis tu te dis, hey, je veux que l'histoire se répète encore. Là. Tu n'avais pas assez, là. Ils m'ont laissé sur mon appétit. Il y avait 4 minutes. Et c'est pour ça que je dis, t'écouteras Triangle, puis Time Crimes. Ou Le Jour de la Marmotte. Ouais, ben, en BD. En BD, les comics, là, je sais pas si vous connaissez Image qui fait Walking Dead. Ben ouais. Mm-hmm. il y a la série Clone. Tu sais, c'est pas des cycles dans le futur, mais c'est plein de clones qui s'entretuent un peu. C'est vraiment bon comme série. Ça vient de commencer, là. Ils sont rendus à 5 issues, là. Oh, on va regarder ça. Peut-être une critique dans le futur, là, mon cher Kevin. Ben, c'est pas vraiment horreur, là, assez, là, mais... Pas grave, ça peut être intéressant quand même. Il y a Evil Ernie, par exemple, qui est plus horreur, que je préfère. Oh. Evil Ernie. On en reparlera après le show, hein, mon cher. Ouais, c'est bon. On en rejase. Continue ça, mon Steph, à part de ça, après Cycle, qu'on n'est pas tous d'accord. Vous avez nommé les autres, là, qui... On a nommé les pires. Il y en a beaucoup qui sont oubliables. Je te dirais que le tiers des films est carrément oubliable. L'autre tiers est bon et l'autre tiers est extrêmement mauvais. Fait que ça fait un melting pot que finalement ça vaut la peine de le voir pour un tiers. Mais je regrette pas. On en reviendra après le break musical, Steph. Qu'est-ce qu'on s'en va écouter vite de même? Écoute, j'ai choisi The Silver Shine, c'est un de mes albums de l'année. À vie même, sérieusement. Là. C'est dur à commander. C'est un petit band indépendant de Hongrie. Un point d'Europe, ça. Ouais, c'est encore en Europe. Je suis bien fort, ces groupes d'Europe. Je sais pas pourquoi. Je suis ployé là-bas. Je sais pas. Et qu'eux autres, ils jouent dans le punk rock psychobilly plus que la toune d'avant. C'est très, très bon. Quand on va aller écouter Angel to Some. Ben allons écouter ça, cher ami, puis on vous revient avec... je sais pas quoi, on verra. Ben. Hey, les enfants, ce qui se dit pendant les pauses, c'est pas drôle. Hey Steph, merci beaucoup encore une fois, c'était délicieux pour nos oreilles. Vous savez, je m'en vais avec ça. Seb, on va refaire un espèce d'un dernier tour de table avec ton overall du film. Comme qu'on fait toujours un espèce de un compte-rendu avec est-ce que ça vaut la peine de le voir et toute la patente. Fait qu'on va commencer avec toi, Seb, vu que t'es l'heureux gagnant du tirage au sort de la soirée. Qu'est-ce que t'as pensé de ABC's of Death? Merci, random, random.org. non, mais un peu comme je parlais tantôt, ça m'a fait penser à aller voir un festival de court-métrage. Puis, moi, le feeling que j'ai quand je finis un festival de court-métrage, c'est que j'ai le goût de me retaper les court-métrages tout de suite après. Parce que, tu sais, il y a comme une surdose. Ben là, avec ça, c'est ça. Tu viens d'écouter 26 courts-métrages, un après l'autre, non-stop. Puis, il y en avait des bons, il y en avait des moins bons. Des fois, le balance, la balance entre chaque est pas bonne, dans le sens que, tu sais, ils sont comme restreints par la lettre. Tu sais, tu te dis, bon, ils sont obligés de commencer par la lettre A, mais peut-être que, moi, si j'avais eu à faire l'ordre de ces films-là, sans prendre en considération l'ordre des lettres, c'est pas de même que je l'aurais fait, tu sais. J'aurais mieux balancé le film que ça. Ouais, je vois si tu vas en venir. Ouais, parce que, tu sais, il y a trop de films qui se ressemblent un après l'autre. Il y a des films qui sont un petit peu moins de qualité collés ensemble. C'est le rythme de l'ensemble est pas bon. T'sais, l'ensemble, là, son rythme est pas bon. C'est le genre de truc que je me dis, c'est sûr que je vais m'acheter, mais pour écouter les films, juste dire, hey, ça me tente d'écouter celui-là. Clac. C'est ça. Ça me tente d'écouter celui-là. Clac. Puis même je dirais à quelqu'un qui a le goût de l'écouter, faut pas se taper les 26 d'une soirée. C'est trop. Tapez-vous juste nos top 3. Ouais, c'est ça. Ça va être clair. Non, mais ouais, tu t'en tapes juste quelques-uns. Ouais. Après ça, tu laisses ça décanter un peu. Parce que, tu sais, tantôt, ça qu'on disait, là, on finit à la fin puis on a oublié les premiers. On en a tellement vu. Ouais. Mais d'écouter 26 films en 2 heures, là, c'est ben trop, là, tu sais. Fait que c'est ça à un moment donné. Mais sinon, somme toute, je pense que c'est vraiment une bonne compilation. Le ratio bon film, mauvais film est assez bon pour que, en bout de ligne, tu aies eu du plaisir à écouter tout ça. Puis aussi, ce que j'ai aimé dans le concept, c'est l'idée que le titre est toujours dit à la fin du film. Ouais. Parce que le titre est toujours un punch. Ouais. Tu sais, je pense exemple à Apocalypse que René avait donné là, dans son top. Ouais. Tu sais, sans le titre, tu comprends pas le film. Mais si je te pitch le titre au début du film, tu fais des idées, le film est plus pareil, tu sais. Fait que tout le long du film, t'essayes de guesser parce que tu sais à quelle lettre ils sont rendus. Fait que tout le long du film, t'essayes de te dire, attends un peu, là, ça va être quoi, là, je suis rendu à G, là, tu sais, justement, la Gravity, tu sais. Tu te dis, ça va être quoi, le Gravity, le G, ça va être G, pourquoi. Fait que là, tu sais, il y a comme le petit jeu de, je vais essayer de deviner ce qui se passe. Moi, c'est un achat. Moi, je vais acheter ce film-là parce qu'il y a eu des beaux petits bijoux là-dedans que je vais avoir beaucoup de plaisir à réécouter souvent. Excellent, ça, mais je vais attendre mon tour. René, René, qu'est-ce que tu as pensé overall de ABC's of Death? Ben, je pense même la même avis que Seb, c'est excellent. Je le conseille à tout le monde, c'est vraiment bon. J'ai même réussi à faire écouter ça à ma blonde. C'est vraiment comme étonnant. Elle a bien trippé sur une coupelle. Disons qu'on l'écoutait entière, fait qu'elle écoutait le premier tiers, si on l'écoutait en 3 jours. Ce que je conseille justement, parce que c'est les 26 en 2 heures, tu perds le fil. Son gros problème, c'est que c'est mal balancé. T'as du bon, du mauvais, du bon. Oups, mauvais. Fait que il y a des longueurs, puis les longueurs, on dirait qui deviennent interminables. Sinon, ça reste. Les longueurs sont longues. Ouais, c'est ça. De longues longueurs. Longueurs sont longues. D'assois chez ça. Quand j'avais vu annoncer la première fois le. Je l'ai pas entendu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, rien, oui, continue. Qu'est-ce que t'as dit? Je l'ai moqué. Ah ouais, achève. Il dit d'assois chez ça. Ah. La fait que. C'est ça, merci de m'avoir pas fait perdre mon fil. Fait que ça je dis, quand j'ai entendu j'avais vu les previews de The ABC, j'ai comme tout de suite été comme attiré par ça, le projet, le concept, puis je suis pas déçu, c'est une dizaine de pièces sur iTunes qui est à vendre, puis il va être au cinéma dans pas long. Fait que je dirais que c'est un must, allez-y, puis C'est juste pour l'originalité de la Led Zeppelin que c'est pas des zombies. Ça vaut peut-être le coup, tu sais. Puis aussi on n'en a pas parlé, hein, de Z. Hein. Non, mais quelque chose. C'est un autre japonais, ça, en plus. Ouais, Zetsu Tsutsu. Moi, tous les réalisateurs japonais. Les japonais, ils aiment la nudité et les affaires fuckées. Je trouve qu'ils détonnent dans ce film-là, justement. Ouais. Ouais, ben, en matière de. Pas tout le temps bien. En matière d'over the top. Qui détonne. Non, ben, ils détonnent du cul dans le film Fart, là. Mais en matière d'over the top, les Japonais, ils l'ont l'affaire. C'est à mon tour. Ouais, vas-y. Je suis très, très d'accord avec tout ce qui a été dit, honnêtement. C'est vrai. C'est parce qu'il faut pas. Malgré le fait qu'il est collé comme une anthologie, faut pas le voir comme une anthologie, mais plus comme une collection de mini-films, parce que... Ouais, c'est comme si t'achetais le DVD de Spasme, genre. Tout à fait, parce que c'est ça, c'est tapé un après l'autre, c'est pas naturel, parce qu'il y a aucune suite, il y a pas une histoire comme dans une anthologie, souvent on a une histoire qui englobe tous les autres films, mais là, à 26, c'était complètement infaisable. Puis c'est ça, faut le voir comme une collection de short movies. Chose que j'adore, moi, honnêtement, c'est les meilleurs exercices de réalisation, selon moi, c'est les short movies. Des gars comme Adam Green, comme Ty West, qui en font à pas jeter des short movies, c'est tout, vous pouvez tout voir ça sur YouTube, ça vaut tellement la peine. À mon avis, à moi, c'est ça, c'est les meilleurs exercices de réalisation qu'on peut imaginer. Pour n'importe qui a un petit peu d'ambition, peut-être, dans le domaine, quelqu'un qui veut faire des films, qui veut réaliser, qui veut... C'est super pour ça. Est-ce que c'est pour tout le monde? Ça prend quelqu'un qui a vraiment un intérêt pour des short stories, à mon avis, parce que c'est... Il est pas simple. C'est pas comme un creep show, c'est pas comme un trick or treat. C'est beaucoup moins facile d'accès que ça. Puis souvent, c'est ça, c'est que si t'as pas d'intérêt pour, mettons, un film qui a une bonne photographie, qui a une belle réalisation, on s'entend qu'il... Le point faible de la plupart des films, c'est tout scénaristiquement parlant, parce que c'est pas toujours justement des grands réalisateurs, puis c'est pas non plus des gros budgets. Fait que ça a souffert de ça. Nous autres, on est capable d'apprécier certaines affaires que peut-être le public général vont accrocher un peu plus. Surtout que c'est ça, le ratio, je te dirais qu'il y a le tiers des films qui vaut vraiment la peine d'être vu. Un tiers qui est oubliable, l'autre tiers est carrément mauvais. Ben, encore une fois, ça c'est à mon humble opinion. Mais. Bon, c'est sûr que ça va faire partie de ma collection. C'est sûr que je vais revisionner la plupart des films que j'ai aimés encore un paquet de fois. Et puis, comme je dirais, c'est une bonne inspiration, un bon exercice technique juste de le voir. Puis, écoute, en général, moi, j'ai aimé. Tout simplement, là, j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Puis, c'est ça, tout ce qui a été dit, là, ne pas se taper les 26 un après l'autre, c'est vraiment mortel. Kevin, ton overall? Ouais, ben moi, dans le fond, comme vous avez dit depuis le début, bon, les festivals... Je pense tout, encore au quatrième, hein? Ouais, c'est ça. Non, mais moi, justement, c'est ça. Peut-être que, tu sais, justement, refaire ce film-là, mais avec 26 autres directeurs différents, tu sais, faire un autre ABC of Dead, mais tu sais, tu fais ça, mettons, 2-3 ans, puis avec des... Ça pourrait devenir comme une genre de porte d'entrée pour le cinéma d'horreur, un peu. Avec des débutants, du monde qui... Ouais, un peu, tu sais, je veux dire... C'est genre de porte de lancement. Là, tu fais un peu un festival, mais avec plus de moyens puis d'exposure, parce que dans le fond, tu sais, ce film-là a quand même eu une certaine publicité puis tout. Tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant pour un débutant de justement se présenter dans ça. C'est certain que c'est une belle vitrine en plus. Sauf que, tu sais, c'est toujours de... Bon, le processus de sélection, c'est quoi? On connaît les gars de RKSS qui ont fait Tease for Turbo, puis au lieu de Tease for Turbo, on a eu le film Tease for Toilet, qui était pas bon. Ben, pour moi, je l'ai trouvé correct, là, mais je veux dire, si vous avez vu Tease for Turbo, c'est 25 fois meilleur que ça. D'ailleurs, je t'interromps là-dessus. Vas-y. Quand tu vas sur le site de ABCs of Death, ouais, ils te présentent d'autres films qui sont d'autres courts-métrages qui sont T pour quelque chose, S pour quelque chose. Hein. Ben, c'est ça. C'est comme ben, en écouter plein d'autres. Puis quand tu regardes dans T, le film qui a eu le plus de votes, c'était Tease for Turbo. C'est pas Toilette qu'on a eu, tu sais. Ben, je sais pas s'il était dans la liste, tu sais. Steve Turbo, c'est ce que le monde a préféré. Ben, je comprends, ben, c'est de la bombe, ça. Allez tout voir ça, perdez pas votre temps. Allez voir. Bon, ben, avec ce que tu me dis, dans le fond, il pourrait tellement avoir d'autres films dans le même genre. Ça pourrait devenir pas un festival, mais un film festival. Je sais pas comment appeler ça. Il y a un danger à ça. C'est sûr que c'est une bonne idée. Puis de donner de la visibilité comme ça à des réalisateurs qui commencent, c'est la meilleure des choses. Okay, on s'entend là-dessus. C'est certain. Sauf que ça peut devenir un couteau à double tranchant. C'est que si le ratio bon-mauvais film vient qu'à dropper, qu'il y a tellement de mauvais films que le monde, le nom ABCs of Death ou whatever que tu vas lui donner, va devenir comme une marque de commerce pour des mauvais films. Ça devient complètement une perte de temps et une perte de... T'as pas tort. T'as pas tort, je dis ça parce que je me rappelle pas du nom, mais ça s'est déjà fait. Puis écoute-moi, je suis okay. à 200%. Un truc dans le genre de. Ouais, c'est ça, je me rappelle pas c'est mais quoi. Mais tu fais juste checker des trucs comme exemple Masters of Horror, tu sais. Ils ont regroupé du monde de talent comme ça avait pas de sens. Puis ils ont quand même réussi à faire à travers tout ça de la crap, tu sais. Ah, il y avait des cochonneries dans ma soeur. Il y en avait des bons, on s'entend. Il y en avait des excellents, puis il y avait de la crap, tu sais. Ouais. Fait que tu te dis, imagine, là, tu donnes ça à du monde qui sont émergents. C'est sûr et certain qu'il va y avoir de la crap encore plus. Là. Mais justement, ben dans celui-là, des émergents, ben pas des émergents, mais je pense que... Du monde moins connu, il n'y en avait pas vraiment. Je sais qu'il y a eu un concours pour le... Le 26e, si tu veux. Je sais pas si c'était nécessairement le Z, là. Mais je sais qu'il y a eu un genre de concours. Je sais pas si t'es au courant. Ou... Ouais, vas-y, continue. Non, mais c'est ça, ben. Dans le fond, les 25 autres, t'es un peu choisi, pis t'avais un concours à travers différents directeurs, pis. C'est ça, dans le fond, celui qui a gagné, c'est Lee Hardcastle. Ouais. C'est Toilette. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est celle-là de Toilet, justement, d'Inté. Je sais pas si... C'était ça de demander comment c'est juste... qu'ils ont gagné, parce que justement, tu me dis que Tears for Turbo a eu plus de votes, là. Puis, comme je l'ai dit, allez voir Tears for Turbo. D'un, c'est d'encourager une équipe de production québécoise. Quoi qu'ils ont le vent dans les voiles, puis c'est génial pour eux autres. L'ami Johan Carl, qu'on entend souvent au Mystérieux Étonnant, qui est réalisateur pour la gang de Roadkill Superstars. Ça vaut la peine, sérieusement, de voir tout qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je suis un fan fini du film, du trailer Demonitron. Je capote. Oh, man. C'est fucking extraordinaire. Allez voir ça, c'est meilleur que d'aller voir Tears for Toilette. Ça, c'est sans aucun doute. Puis en plus, il y avait Yves Corbeil dans ce film-là. Ah, man, écoute. C'est Yves Corbeil. Comment tu peux refuser Yves Francis Corbeil? Willett aussi. Corbeil qui parle en anglais. Oui, en plus. On a Francis Ouellet aussi des mystérieux du 17e antiquaire qui est là-dedans, qui est tordant. Ouais. Fait que allez cliquer, allez voir Tears for Turbo, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Fait que c'est ça. Ton overall, Kevin, c'est ce que tu dirais à tout le monde pour moi, personnellement. Mais c'est ça. Ceux qui aiment la diversité un peu puis tout ça, ben achetez ça. Ceux qui aiment pas ça, ben, qu'est-ce que vous faites à nous écouter? Oh, deux morceaux de robot pour Kevin, celle-là était vraiment bonne. Steph, on est rendu à toi. Hein? Hein? une minute, je vais finir mon sudoku, puis. T'as à toi, hey, c'est-tu quoi? C'est à toi d'écouter les films, maudit bozo. Hein? Caliste. Mais j'ai un livre de sudoku à côté. Moi, tu sais, le choix était difficile à faire. Hey, tu sais pas compter jusqu'à ça. Je viens me faire chier que tu fais des sudoku. Ou... Non, c'est bien, mais comme tout le monde dit, pas l'écouter d'un bout parce que j'ai décroché avant la fin. Mais je veux le finir, c'est sûr, je vais le finir. Puis c'est sûr, je vais le réécouter parce qu'il y en a qui sont comme trop drôles. Puis vu que t'as décroché avant la fin, t'as pas vu X, puis XXL, c'est le fucking meilleur. Non, mais c'est ça, là, je veux dire, la bière était trop bonne, j'ai décroché dans tous les sens, là. C'est bon, ça. Hey, on va conclure ça là-dessus, chers amis, j'espère que vous avez aimé, parce que c'était quand même assez weird comme chose, ça va avec le film, hein. C'était assez weird comme film. Fait que, Crims, hey, je regarde mon timeline, puis il va falloir que j'édite un peu d'ailleurs, parce qu'on est rendu très très loin. Steph, on va quitter en musique, puis ce coup-là, tu y es allé avec un peu un de mes coups de cœur que ça fait longtemps que je veux que tu passes. Il est temps, là. Il est à peu près temps qu'on passe ça. Les cerveaux, ben oui. Ah ouais? The Brains? The Brains. Écoute, je sais pas si tu les as vus une couple de fois en show, moi je les ai vus assez souvent en show. J'ai même été leur photographe de spectacle, je te dis. Ah ouais? Oui, monsieur. C'est pour ça que les photos sont moyennes. T'es big, man, Pierre. Non, Pierre, il est très bon en photo. Hein. Engagez-le. Là, vous voyez pas, mais j'ai un astidaire de beurre, puis je dis rien. Non, The Brains, écoute, qui est très bon à voir. Selon moi, mieux en show qu'en CD. Écoute, c'est des gars de stage, là. Cette musique-là, c'est la musique de stage, là. Okay. En CD, c'est plate, là. Ça, c'est sans compter qu'ils ont toujours leur espèce de crew avec eux autres de Rockabilly qui torchent tellement, là. Sérieusement, là, voir du monde danser du Rockabilly, man, ah, sur leur musique, ça fait. Ah, ça marche. C'est extraordinaire. Non, sérieux, c'est très, très bon. Puis, on n'est pas obligé de dire qu'ils viennent de Montréal, là. Ben oui, hein? En plus, c'est ça. On encourage les produits locaux. On parle de Real Kiss ouais. Superstars, puis de The Brains. Go Québec. Yes. Qu'est-ce qu'on va écouter, mon Steph? Ben, on va aller écouter Sweeter Than Wine. Oui, monsieur. De quel album? Bonne question. Numéro d'atone. Non, c'est leur dernier. Écoute, il est brun, là. Je peux te le dire tout de suite. L'album brun. Ah, c'est Zombie Nation. Non, l'album brun, hein, c'est Primus qui avait fait ça. Le Brown Album. Ouais, c'est le Brown Album. C'était très bon. Non, là, c'est Zombie Nation. Si je me trompe pas, je peux me tromper. Écoute, j'ai canon. L'air d'un Mayen. J'ai pas. Oh, ça sera pas écoute, la première fois qu'on a l'air épais. Le Sudoku était trop bon. Là, là. Il est fait inspirer par les toilettes du film pour ton album brun. Oh, God. Avant que ça dégénère, on va aller écouter Sweeter Than Wine de The Brains. Ben merci. Hey, on se retrouvera probablement pas dans deux semaines. Le monde, on est bien occupé. Ça va probablement aller dans peut-être 3 ou 4 semaines. Fais pas ton jaloux, c'est pas grave. Non, j'aimerais ça t'occuper comme vous autres. Ceci étant dit, ça va aller probablement dans 3, peut-être 4 semaines. On va essayer de vous faire un petit quelque chose de spécial. On n'en parle pas trop d'un coup que ça marcherait pas. Mais sur ce, ben écoute, venez nous liker sur Facebook. Continue de jouer de ça. Puis on se retrouve dans quelques semaines. Attention à vous autres, à la prochaine. Yes. Salut. Bon le jeu pas CA. Your blood tastes sweeter than wine. Pas cette semaine à funjouerjeu.ca, les aventures de Radio Capoté, la critique dans le trafic de Steve Degary, ainsi qu'un nouvel épisode de Fun Jouer Jeu. Ça va être capoté, mais en. C'est cœur, hein? un vrai professionnel, quoi.